Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Chers amis, bienvenue sur notre émission Démocratie Participative, saison numéro 2. Eh oui, saison numéro 2, on commence l'année 2017 sur les chapeaux de roue, épisode numéro 1. Alors, chers amis, avant de, entamer cette émission, je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Démocratie Participative, c'est très simple. Vous abonnez à notre chaîne, comme ça vous recevez les alertes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, pour diffuser surtout les émissions avec des amis que vous pouvez avoir sur ce réseau social. Nos émissions paraissent évidemment sur la plateforme audio SoundCloud, sound comme sound en anglais, cloud comme un nuage en anglais, SoundCloud. Vous pouvez vous y rendre, vous y abonner, vous recevez aussi les alertes, c'est sympathique, ça sert de backup si jamais il y a un problème sur YouTube. Vous pouvez nous écrire sur notre boîte email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je vais présenter tout de suite les membres, mais avant cela, je souhaite vous souhaiter une excellente année 2017. En espérant qu'elle vous apporte du bonheur, la prospérité et la santé, et des opportunités nouvelles à tout point de vue. Alors, sans transition, Derek, comment ça va, Derek ? Ça va très bien. On a pris une petite pause là, ce début d'année, et on revient avec les batteries bien chargées. Chargées, oui, à la haine concentrée. Frédéric dans l'évier, salut Fred. Ça va ? Ça va, bonne année, salut à tous, c'est Frédéric dans l'évier. Alors, une petite émission cette semaine, encore une fois, bonne année, j'espère que tout va bien chez vous, que vous poussez tous de la fonte, que vous emmagasinez tous des calories, je vous souhaite que du bonheur. Moi, en tout cas, ça va bien. Moi, je t'ai vu avec une petite coupette de champagne, là, ça avait l'air d'aller, Fred, tranquillement, quoi. Ah bah, on se fait plaisir, c'est normal. Ah, d'accord. J'enchaîne sans transition avec Poporovitch. Shalom alaikum à tous, bonne année 2017, bonne santé tout le bordel, et puis spécial dédicace à Albert Kike qui a pas pu venir. Ah oui, c'est un coutumier, il faudra amener un de ces jours quand même. Il refuse de participer à démocratie participative, mon dieu. Capitaliste, salut capitaliste, comment vas-tu ? Salut, bonjour à tous, et bonne année. Et bonne santé, surtout, la santé. Fulbert. Ouais, la santé. Fulbert, comment vas-tu ? Ouais, Fulbert va bien, une bonne année à tout le monde. Mais elle sera bonne, je vous rassure tout de suite, ça va péter, je le sens. on prie les dieux. Madame America, salut, Captain America. Ça gaze ? Oh, ça gaze, tu dis ça parce que je m'appelle Hotman américain, c'est ça, hein ? Ça dépend. C'est toi qui as choisi Hotman, moi je peux t'appeler Captain, hein. Ça dépend de ton camp. Hein. J'ai envie de dire Guten Abend, hein. Donc bonsoir à tous, les camarades. J'espère que 2017 sera une année positive pour vous ainsi que pour la cause, et en avant. De Guingamp, avec des nègres. Magdav, salut Magdav. Salut à tous et à toutes. La pêche, Magdav ? La pêche. 2017 s'annonce très très bien. Je sens que les choses vont bouger. Ah, ça va bouger. Ça va zouker, comme on dit. Ouais, ça va zouker. Alors, je crois qu'on peut commencer d'entrée notre émission avec la rubrique numéro 1, notre rubrique traditionnelle, autisme radical. Alors, bon, ça, y a eu du trend hein, sur les réseaux, j'ai vu ça aussi moi-même là-dessus. C'est en Italie que ça se déroule. Bon, évidemment, hein, les charmes du multiculturalisme, vous allez voir où je veux en venir. Miss Italie, défigurée à l'acide par son ex-compagnon. Jessica Notaro ne retrouvera jamais son visage d'avant. La jeune femme de 28 ans a été victime d'une attaque à l'acide mardi soir en périphérie de Rimini. Alors qu'elle rentrait chez elle, l'Italienne est tombée sur son ex-petite amie et les deux ont entamé une discussion qui a terriblement mal tourné. L'acide a provoqué des brûlures profondes sur le crâne, le visage, la hanche et la jambe droite de Jessica. D'après les rapports de l'hôpital, malheureusement, pour elle, elle ne pourra plus jamais retrouver sa beauté d'antan. Donc une Miss d'Italie qui était maquée, en fait, il faut bien le préciser, parce que c'est tout l'objet de notre petit point de cette rubrique, c'est que c'était un nègre du Cap-Vert qui, en fait, avait estimé qu'ayant mis la main sur une blanche, elle était sa propriété, et qu'une fois que la blanche s'est tirée, eh bien, il fallait lui ôter sa beauté pour que personne ne puisse en jouir après lui. Quelqu'un veut-il commenter sur ce nouvel épisode d'enrichissement culturel maximal ? Bon, c'est un nègre, hein, je crois que... Ouais, moi, j'ai envie de dire, le nègre, tu l'as voulu, tu l'as eu. C'est un fait, ouais, c'est un fait. Ah, il faut le voir, hein. J'ai plus son blaze, faudrait que je remette la main sur son nez, enfin, pas sur son nez, mais sur son nom. Bon, enfin bon, il est vraiment Edson, horrible. Hein. Edson Jorge Tavares Lopez. Tavares, ah, Tavares. Oui, il y a des nègres horribles et immondes qui polluent l'internet qui s'appellent Tavares, effectivement. Oui, oui. Bref, notre client, là, a fait fort. Capitaliste, tu voulais revenir sur le truc. Alors moi... Juste pour me représenter le truc, dans Google, j'ai tapé « jet d'acide musulman ». Et là, on voit bien les conséquences, quoi. Hein. Ah ouais ? Ah bah oui, ils font pas ça, genre au Pakistan, des trucs comme ça ? On voit des centaines de femmes complètement défigurées. Alors du coup, ouais, j'ai entendu que c'était pas qu'une spécialité musulmane. Il y avait des juifs qui faisaient ça aussi. Ouais, mais ça, c'est la LDJ dans le temps. Ils faisaient ça sur les nationalistes. Et c'est un contexte un peu... C'est vrai que la méthode est la même, mais un contexte un peu différent. Là, c'est... Bon, là, il y a vraiment la volonté, en fait, du nègre. Il faut voir la gueule du nègre. Hein. C'est l'équivalent d'un primate. Hein. Le type, il avait touché le gros lot, génétiquement parlant. Il s'était accoquiné avec une très belle italienne qui était suffisamment con pour se maquer avec un nègre, et bah évidemment, lui, il pensait que c'était une propriété à vie, quoi. Et donc, bah, comme je l'ai dit, quoi, c'est-à-dire que si elle s'en va, il n'y a pas d'usage ultérieur, elle doit être complètement détruite. Ce qui en dit long hein, sur la psychologie profonde de ce type de personnes. Quelqu'un veut rebondir rapidement là-dessus, sur ces mœurs nouvelles hein, Vas-y, aux États-Unis, il y a beaucoup d'expressions très imagées hein, par rapport aux relations interraciales comme ça. Il y a par exemple burn the coal, pay the toll, c'est-à-dire si tu brûles du charbon, ben, à un moment, il va falloir payer. Quoi. En gros, si tu couches avec un nègre, ben, à un moment, il y a des choses qui vont se passer. Quoi. Et c'est vrai qu'aux USA, ils ont l'habitude de ce genre de fait. Mais pas que, par exemple. En Angleterre, il y a eu un cas très similaire et très médiatisé il y a quelques années. Il y avait une très belle présentatrice télé, une belle blonde, pareil, qui sortait avec un nègre, qui s'appelait Katie Piper. Mais ça n'a pas manqué, la même chose, quoi. Donc, j'ai envie de dire, eh ben voilà, on va commencer à s'habituer à ça. J'ai l'impression qu'un jour, on aura Manuel Valls qui va nous dire, bah, écoutez, l'acide au visage, hein, c'est comme les attentats terroristes, hein, faut vivre avec. Bah, de toute façon, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une acclimatation culturelle... Mais en même temps, je veux dire, faut être... bon, je ne vais pas me féliciter personnellement du fait que la jeune fille, la jeune femme ait été défigurée, mais elle paye le prix de leur stupidité. C'est un fait. Alors, tu sors avec un nègre, tu sors... Franchement, faut être clair. Quand les blanches sortent avec des nègres, le nègre va l'engrosser, il va se tirer, c'est sûr. Donc elle va se retrouver avec une espèce de, comment dirais-je, de mulâtre à éduquer tout le reste de sa vie, généralement d'ailleurs... avec le pognon des blancs qui triment et qui payent leurs impôts via la CAF et qui reviennent ensuite vers les mers isolées, on sait comment ça fonctionne, ou les Maghrébins qui font à peu près la même chose, mais en les tabassant beaucoup plus volontiers, voire en les tuant, hein, ça arrive aussi. Donc, s'il y a des blanches qui veulent fricoter ce genre de racaille, bah, faut pas qu'elles s'étonnent qu'après il y a des conséquences. Ils sont comme ça. Ils sont brutaux, violents, possessifs, jaloux et trompeurs, en plus. En plus, trompeurs. Parce qu'ils vont coucher ailleurs. Donc, voilà. Bon, c'est... Voilà. Si, mesdames, si vous avez envie de vous... De tenter des choses dangereuses, bah, vous faites comme la Miss Italie en question. Il y a le sida aussi, hein. Il y a aussi le sida, faut pas oublier. C'est le sida. Oui, le sida et d'autres charmes. Et puis en plus, vous savez, on avait parlé de ça avec des migrants, avec des femmes qui font dans l'humanitaire et qui ont des idées aussi, enfin des attentes. Des attentes, oui, on a vu les Anglaises là, effectivement. À Calais, hein. Voilà, hein. Bon. Vaste sujet. Et écoute, moi Gandalf, je tombe des nues, parce que si on suit un petit peu le cinéma français, au contraire, on nous montre des magnifiques films où les Noirs sont montrés comme des pères formidables qui éduquent très très bien leurs gamines. Bah, franchement, je comprends pas pourquoi le cinéma français est à ce point en contradiction avec la réalité. Serait-ce de la propagande? Ça devait sûrement être dans la rubrique science-fiction. Hein. Non, ou alors on est de mauvaise foi, c'est tout. Hein. Voilà. On va y revenir hein, sur le film en question, c'est prévu. Sujet numéro 2, là aussi ça a pas mal tourné, et pour cause, puisque c'était chez Gad Elmaleh. C'est Malick devient Monsieur Leblanc. Qui a suivi ce truc-là? Quelqu'un l'a vu Ouais, bon, je... Donc c'était sur le Saturday Night Live de Gad Elmaleh, hein, un Auvergnat, n'est-ce pas? Et c'était donc, je vous résume, hein, c'est une espèce de petit clip soi-disant humoristique, dont je vous donne le pitch. Alors, arabe depuis plusieurs années, Malick Bentala est lassé d'être stigmatisé pour son origine. Il a donc fait le grand saut pour devenir Monsieur Leblanc. Un Français de souche. Vous pouvez donc visionner cette vidéo en ligne. Donc, comme on l'a dit, hein, c'est Malick, Monsieur Leblanc. Vous tapez ça dans Google, vous trouverez ça. Alors, comment dire, c'est pas nouveau, mais c'est tellement un concentré de haine raciale contre les Blancs et contre les Français de souche française que ça ne lasse pas de me surprendre et de m'étonner de voir avec quelle facilité ces gens peuvent cracher à la gueule des gens qui les nourrissent et qui les rendent populaires. Et des gens qui sont assez cons pour les regarder aussi. Et je pense à la fois au maghrébin de merde qui a fait cette espèce de saloperie, et au juif Elmaleh, qui touche aussi ses shekels au passage, pour cracher à la gueule des Français aussi, bien sûr, évidemment. Quelqu'un veut-il rebondir sur ce truc? Qui a vu cette espèce de... Parce que c'est même pas drôle, en plus. Quelqu'un l'a vu, ce truc-là? Ah, parce que c'était un sketch, en fait. C'était un sketch, ouais. Ah putain, d'accord. Non, mais je croyais que c'était vraiment un gars qui était motivé, quoi. Bah, il y a des passages où le mec est teint en blond, il va chez le banquier, chez la banquière. La banquière, en fait, surjoue la confiance, parce que l'autre, ouais. Tu vois, il a une gueule de français. C'est pas la confiance. C'est pas tant la confiance, c'est qui est l'objet de ce sketch, c'est-à-dire... Il fait le discours du privilège blanc, quoi. C'est-à-dire voilà, les blancs sont privilégiés, tu vois. Genre il est dans sa voiture, il se fait arrêter par les policiers, c'est pour un contrôle. Alors de suite il a peur parce qu'il a il a son réflexe d'arabe qui a peur de la police parce que la police c'est méchant avec les arabes, n'est-ce pas, hein, on le sait très bien. Et au final, tu vois, il voit que les policiers sont blancs. Et lui propose de lui changer son pneu parce qu'il a le pneu lisse, tu vois. Oui, ça arrive très souvent, ça. Ça arrive très souvent. La banquière qui sort les liasses de billets parce qu'il est blanc, tu vois, même pas, y a pas de contrôle d'identité, mais c'est, vu qu'il est blanc, c'est bon. Bon, non, c'est de la science-fiction, quoi. En 2017, oser faire des trucs soi-disant humoristiques pour dénoncer les privilèges blancs en France, il faut avoir un sacré culot. Bah déjà, faut... Non mais en fait, c'est vraiment... Faut être un putain de sémite, oui. Bah, c'est de la démagogie 100%. Effectivement, c'est de la science-fiction, c'est de la démagogie. Les mecs caressent les halogènes dans le sens du poil. Ils leur racontent les histoires qu'ils veulent entendre Donc on voit déjà que le juif El Malais a choisi son cœur de cible, hein, c'est les musulmans, clairement, les musulmans, surtout les maghrébins. Voilà. Mais je sais qu'il vient du Maroc, donc ils ont toujours un petit faible pour ces gens-là, qu'ils ont toujours bien traité dans l'histoire. Hein. C'est vrai que les Algériens, les Marocains, les ont bien traités dans l'histoire. Enfin. Et donc, voilà, alors, on va vous aider des victimes, effectivement. Alors, regardez le blanc, il va chez le banquier, tout de suite, il a du pognon, du cash direct, les flics sont toujours réglo avec eux. C'est vrai que les flics, quand ils te contrôlent en bord de route, quand t'es blanc, tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux taper un 240, les mecs vont changer tes pneus, c'est bien entendu. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ? Juste que le mec a quand même une gueule d'attardé mental, quoi. Hein. Je veux dire, tu vas sur Google Images 2 minutes, bon, c'est la bonne vieille gueule de Bougnoul, mais on sent que voilà, le mec, il a pas un QI trop élevé, tu vois, ça monte pas très haut, il fait des vieux sourires bizarres. C'est ouais, dense, t'as foutu n'importe comment. Non, mais c'est vraiment. Faut avoir envie de s'infliger ces trucs-là quand même. Hein. Même esthétiquement, c'est difficile. Hein. C'est sur M6. Non, mais. Prime time en plus. Hein. C'est pas l'émission du soir. Ouais, c'est la nouvelle émission. Le nouveau truc. Ah oui, d'ailleurs, le nom Saturday Night Live, ils ont copié texto sur une émission qui existe depuis des années sur Comedy Central aux États-Unis. C'est ça. Et ils ont juste repris le même nom, quoi. Voilà ils ont même pas pris jour parce que ça sort un jeudi. Hein. Sauf qu'aux États-Unis, on a au moins. Bon, alors nous, on a des nègres, mais on n'a pas Gad Elmaleh quand même. Attention. Mais en fait, ce que ça traduit, c'est qu'en fait, il y a une ségrégation de fait, une racialisation, une tribalisation, en fait, du PAF, quoi, donc du paysage audiovisuel. Où en fait on segmente sur des niches ethniques et raciales et où on sert ce que la masse des, comment dirais-je, des bamboulas veut entendre. Donc on veut leur dire les flics sont des enculés, ils vous traitent comme des chiens alors que vous êtes vertueux, c'est connu, hein, je veux dire, le maghrébin il est toujours réglo, il n'a jamais aucun problème, pas de manigance, tout est propre, tu vois, alors que le blanc, tout le monde sait très bien que le blanc il se lève pas le matin, il vend du shit à 14h au pied de sa tour. Et que voilà, il est constamment du cash dans la poche, c'est connu. Enfin, le mec, il le connaît pas, lui, il le sait pas, il a besoin de faire un petit tour en centre-ville, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Mais bon. C'est... Vas-y, dans le même genre, t'as le gros bouffeur de loukoum, Mouloud Achour, qui a fait un petit peu le même genre de saloperie. C'est, enfin, il a fait une caméra cachée, mais vraiment de très mauvais goût. Hein. C'est pas séfarade, mais Bougnoul, c'est quand même, c'est aussi subtil que le séfarade, hein. C'est très mauvais. Et enfin, c'est une vidéo où il interpelle des blancs, enfin vraiment d'une façon très bougnoulique, hein, très racaille, en se faisant passer pour des policiers et en les traitant de babtou. C'est-à-dire comme si les flics français arrêtaient les racailles en les traitant de sales bougnoules ou de sales nègres. Non mais franchement, c'est juste ridicule. Ouais, c'est de la démagogie 100%. Non, mais en fait, ils s'en foutent, parce que eux, je veux dire, El Malais, il n'est pas con. Il sait très bien que c'est très bien que ça repose sur rien du tout. Mais lui, il touche son chèque. Il touche son chèque. Et il sait très bien que ce genre de public veut entendre ça, tu vois, et même beaucoup plus, en fait. Et il sait très bien que si c'est pas lui qui le vend, et M6 lui a clairement, il y a un cahier des charges, et M6 sait très bien aussi que si c'est pas El Malais qui le vend, un jour ça sera d'autres gens qui le vendront, et ils auront peut-être pas les mêmes sympathies, hein. Ils auront peut-être des barbes un peu plus longues, etc., quoi, hein. Et qui seront soi-disant humoristes. Il y a déjà des trucs comme ça, hein. Dieudonné, en fait, c'est un peu ça. C'est Dieudonné, c'était un peu l'avertissement, quoi, hein. Humoriste, mais qui... Oui, c'est qui... le premier humoriste pro-Iran, pro-Hezbollah, voilà. Tu vois, enfin, voilà, quoi. Et tu sens qu'en fait, les mecs, ils disent, de toute façon, il faut lâcher du lest, il faut leur donner des trucs, mais voilà, il faut que les mecs qui tiennent la boutique, ça soit des mecs de chez nous, etc., tu vois, mais ça suffira pas toujours. Bref. Sujet numéro 3. Les humoristes... Ouais. D'Afrique du Nord, qu'ils soient juifs ou maghrébins, on n'en peut vraiment plus, quoi. On a vraiment ras le bol. C'est juste pas drôle, c'est-à-dire que c'est toujours... C'est des putains de sémites, c'est-à-dire c'est toujours à qui enculera l'autre. Il n'y a pas d'humour, en fait, qui... Enfin, ça peut parler qu'aux masochistes, c'est-à-dire les gens qui aiment ça, c'est vraiment ça. C'est parmi la population française, ce sont les masos. Et je pense que de toute façon, moi, à la limite, ça me fait plaisir de voir qu'il y a ça à la télé, parce que s'il reste en fait des gens un petit peu normaux dans le fond, tu vois, qui n'aiment pas forcément se faire cracher dessus, de voir des sales boucaques comme ça en train de chialer sur les méchants blancs qui les persécuteraient ou je sais pas quoi, en fait, ça ne peut que faire augmenter les sympathies, enfin, ça ne peut que faire monter le racisme, tout simplement. Donc, oui, pourquoi pas, des sales boucaques à la télé, 24 heures sur 24. Il y a Gad Elmaleh, tu vois, ça fait un certain nombre d'années que ce mec sévit. D'ailleurs, il est plus ou moins parrainé par Drucker et toute cette clique. Mais Gad Elmaleh, moi, j'ai vu des gens rire sur Gad Elmaleh. Moi, je regardais les... Enfin, il se trouvait que j'étais à côté. Je regardais pas, mais je suis tombé sur des gens qui regardaient ça dans certaines situations. Et je voyais un type qui... Enfin, il aurait parlé du beau temps, c'était pareil. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de structure dans ce qu'il racontait. Il n'y avait rien de drôle. Et je voyais des blancs décérébrés qui rigolaient comme des ânes. Et je me disais, putain, ils ont fait un gros boulot de destruction des esprits, parce que pour rigoler devant un truc aussi médiocre que cette espèce de marocain, je ne sais quoi, là... Mais en plus, il n'y a pas de ressort dans son humour. C'est... Voilà. Et c'est... Malheureusement, ça traduit l'effondrement du niveau culturel en France. C'est terrifiant, hein. Je suis désolé, si vous rigolez sur une blague d'un maghrébin, qu'il soit juif, séfarade, ou qu'il soit algérien ou marocain comme Jamel Debbouze et toute cette merde, si vous rigolez sur les blagues de ces bouffons, excusez-moi, vous avez loupé un wagon, hein, au niveau même pratiquement civilisationnel, hein, par rapport à ce qui se faisait avant au niveau de l'humour européen. Je veux dire, il s'est passé des trucs, hein. Ah bah c'est clair qu'entre Raymond Devos et Le Bruit qui court et Jamel Debbouze avec sa barre de fer, c'est même pas un fossé, quoi. C'est ah voilà, voilà, exactement, tout à fait. On pourrait comme ça en citer un certain nombre. Ouais, c'est terrifiant comme effondrement. Sujet numéro 3, chers amis. Alors là, bon, on reste hein, sur les rivages de l'Orient. Je parle pas de la ville en Bretagne, hein, je parle des rivages de l'Orient musulman. Avec la Ligue des droits de l'homme, qui ne nous déçoit jamais. Je veux dire, on n'est jamais déçu avec la Ligue des droits de l'homme. La LDH justifie sa lutte prioritaire contre les crèches chrétiennes présentes dans certaines mairies en affirmant que le ramadan n'est que festif. Accrochez-vous. C'est la présidente de la LDH, Françoise Dumont, visiblement une gauloise, qui explique les motivations de son association à la faveur d'un entretien pour le journal Le Midi Libre. Voici ce qu'elle dit. Alors, on lui pose une question. Comprenez-vous le reproche qui vous est fait par une partie de la droite de ne pas dénoncer avec la même virulence la nuit du ramadan qu'organise la mairie de Paris ? Réponse. Nous ne sommes pas intervenus sur la manifestation car elle revêt un caractère festif. En revanche, une crèche de la nativité s'est extrêmement marquée religieusement. Quelqu'un veut-il réagir sur ce militantisme anti-catholique de la part déjà, de la LDH. Quand tu tapes Françoise Dumont dans Google, la première chose qui sort, c'est l'humanité, tu vois. Donc, voilà, hein, déjà, on est à la bonne enseigne. Ensuite, c'est juste une vieille grosse avec des bajoux. Enfin, c'est des vieilles communistes dégueulasses, quoi. Donc, comme on peut s'y attendre. Donc, est-ce que c'est vraiment surprenant après qu'on trouve de l'anti-christianisme là-dedans? Bon, voilà. Non, c'est pas étonnant. Mais attends, c'est pas étonnant que la LDH. C'est pas l'anti-christianisme. C'est surtout le pro-islamisme. Oui, oui, genre le ramadan, ça n'est pas islamique. C'est juste une fête laïque, quoi. En fait, ah, c'est ça. Genre, social. Non, ils vont en arriver bientôt, quand les Arabes vont jeter les PD comme en Syrie, du haut des immeubles, ben, ce sera une manifestation. Non, mais la mauvaise foi. Ça sera le cirque du soleil, quoi, tu vois. La mauvaise foi des communistes, c'est vraiment quelque chose de. C'est-à-dire que quand les communistes se rendent compte que leurs idées entrent en clash avec la réalité, ils sont vraiment capables de... Enfin, c'est impressionnant, hein, c'est-à-dire que, bon, souvent, c'est des juifs. Donc, on se dit, ok, c'est des juifs, ils racontent n'importe quoi. Mais globalement, le communisme est quand même une putain de maladie mentale, quoi. C'est-à-dire que les mecs sont capables de se tenir devant toi et de te dire que le ramadan, bah, en fait, non, c'est pas une fête religieuse. Voilà, c'est juste un truc comme ça, citoyen, républicain, etc., etc. Oui, là, il faut préciser que la mairie de Paris, sous l'égide d'Anne Hidalgo, maire socialiste, y a une nuit du Ramadan qui est faite, etc. Et donc, interrogé là-dessus, la présidente de la LDH a dit non, on n'a pas jugé utile d'intervenir, c'est juste une fête, etc. Et en revanche, ils sont acharnés vis-à-vis des quelques crèches présentes dans quelques mairies rurales ici ou là, en estimant que c'est inacceptable, en précisant aussi, je veux y revenir, que la LDH avait porté plainte, enfin, c'était porté devant le tribunal administratif, pour permettre aux femmes musulmanes qui le voulaient de porter le burkini à Nice, à peine un mois après l'attentat ayant fait 86 morts et des centaines de blessés, aux côtés du collectif contre l'islamophobie en France, organisation liée aux frères musulmans et au Qatar. C'est quand même fascinant. Ouais, à Nice et sur la côte, ils avaient relayé l'espèce de vidéo truquée là, qui avait été faite sur la plage ouais. De Loubet. Je crois qu'il y avait eu des fuites là, sur WikiLeaks, hein, comme quoi ils étaient financés par les... Par Georges Soros. Voilà, George Soros. Par Soros, qui file aussi du truc aux frères musulmans. Donc voilà, c'est tout le même... C'est Soros le même, a financé les le deux. Le même marigot. Quoi. Soros a financé les deux. Le CCIF, voilà. Les frères musulmans, et la LDH. Donc en fait, il ne faut pas trop réfléchir, il faut suivre le pognon. Et ça passe, ça passe outre-Atlantique. Certains se rajouteraient un Y où il ne faudrait pas. Et puis on arrive chez Soros et le pognon, voilà, hein, bon, voilà, c'est magique, c'est magnifique. Voilà, autisme radical en tout cas, lutte contre les crèches, donc priorité donc, de la Ligue des droits de l'homme, qui porte très bien son nom, je trouve. Ça a toujours été de la merde, les droits de l'homme, ça m'a toujours filé la chiasse, moi, les droits de l'homme. Voilà. Bah non, oui, parce que c'est pas les droits, voilà, c'est ce que je dis. C'est pas les droits de l'homme, en fait, à partir du moment où ces droits de l'homme ne protègent que les non-européens. Et qu'on nous impose de fermer nos gueules pour les droits de l'homme, ben c'est pas les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme non blanc. Les droits du basané, hein. Ah ben c'est clair. Les droits du basané, effectivement. Bon, chers amis, passons à notre rubrique numéro 2, enrichissement culturel. Rubrique qui est riche, hein. J'aime autant vous le dire, c'est très difficile de sélectionner. Italie. Toujours, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, en Italie, ça remue. Le migrant, ami de la famille, viole et met enceinte une enfant de 12 ans. Ah là, c'est l'enrichissement culturel maximal. Mais alors, non, accrochez. Si vous êtes à table, quittez, hein, parce que ça va être ouais, difficile. Hein. Mais si vous êtes debout, asseyez-vous, parce que vous risquez de perdre de l'œil. Hein. Ouais, c'est bon. Dans la ville de Terni, en Italie, une jeune fille de 12 ans est tombée enceinte après avoir été violée. La police a arrêté un migrant de 31 ans dont la famille s'était fait un ami. C'est le journal Le Perugia Today qui cite les faits. Donc je cite l'article. Selon l'inculpation, un étranger de 31 ans, sans casier judiciaire apparent, résidant dans la ville de Terni de longue date, a abusé sexuellement d'une amie de la famille de 12 ans qui est tombée enceinte. L'homme a été arrêté par la police après un ordre du juge d'instruction, Federico Bona Galvez. Selon la police, il s'était rendu dans la maison de l'enfant et a eu l'opportunité d'être seul avec elle. L'homme de 31 ans a été identifié suite à une longue et délicate enquête, notamment après avoir entendu des amis et la famille de la victime de 12 ans. L'investigation a débuté fin 2015 et est coordonnée par le procureur Raffaele Iannella quand la fille, connue par le violeur présumé, s'est plainte d'abus à des membres de sa propre famille. Donc. Et là, c'est la partie la plus violente. Les docteurs, après des analyses, ont découvert que la jeune fille était enceinte. La victime était au quatrième mois de sa grossesse et n'a pu recevoir d'avortement, limité au troisième mois en Italie. Le bébé est né plusieurs mois plus tard et a été confié aux services sociaux pour adoption. Voilà, une nouvelle gloire pour l'Italie post-nationale. Ça vous inspire quoi, à part la gerbe et les envies Un argument pour, en tout cas, le droit à l'avortement dans des cas particuliers, n'est-ce pas? Alors moi, je me suis dit, probablement que si on présentait un cas comme ça au mouvement des jeunesses socialistes, probablement qu'ils deviendraient contre l'avortement. Ouais, mais si on présentait ça à des militants anti-avortement chrétiens, hein? Voilà. Ah oui, non, mais eux, ils sont contre l'avortement en toutes circonstances. Hein. Ah oui, absolument. Moi, c'est sous un angle un petit peu sociologique, économique, que je vois ça. C'est-à-dire que c'est C'est bien, ça témoigne bien de ce que peut apporter l'envahissement de l'Europe par les nègres et compagnie. Le viol, de la violence, ça fait des gosses partout, ça se métisse, et au final ça se barre, quoi, parce que oui, de toute manière, qui c'est qui s'en occupe après là, de l'espèce de chiard, là, ça va être l'assistance publique, donc c'est les impôts, c'est les blancs, voilà, donc... Non, ils vont trouver deux couillons pour l'héberger, le prendre en charge, l'éduquer, oui, le oui. truc. Oui, bon si, ce sera deux blancs. Eugénisme obligatoire, c'est oui. fini, on peut plus là, il faut. C'est clair. En plus que l'eugénisme d'il y a 80 ans était assez rudimentaire et que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on peut espérer des progrès tout à fait significatifs dans les 10, 20 ou 30 ans. Qui feront que des cas comme ça pourront être réglés. Non, mais je veux dire, il y a des scientifiques qui recherchent des cellules souches, hein, pour faire progresser la recherche. Allons-y, quoi. Je veux dire, il y a moyen d'en trouver. Hein. Il suffit juste de savoir où chercher. Non, mais ça fait longtemps qu'ils les produisent eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin des embryons. Mais la qualité. Oui, c'est vrai. À la limite, pour des produits cosmétiques, voyez. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça peut servir. Alors moi j'ai juste un petit truc à ajouter, c'est que dans les pays d'Afrique, quand il y a des tribus qui se font la guerre, qui font du génocide à coups de machette, il y en a aussi qui utilisent le viol, mais pas le viol en tant que tel, mais surtout la résultante du viol, donc le fait de supprimer un groupe en particulier en enfantant des enfants qui ne sont pas de ce groupe-là. Et donc ce comportement-là, ça a été jugé comme génocide, hein, par les tribunaux pénaux internationaux pour les génocides en Afrique. Et puis là, en Europe, tu vois, on a des gars qui arrivent, qui violent à Tiers-Larigot, à Cologne, en Suède, n'importe où, en France, partout. On a une apologie permanente du métissage, d'accord ? On a la violence dans tous les sens. Et puis après, on nous dit « Ah non, c'est pas intentionnel, et puis il n'y a pas de génocide, hein. Non, vous rêvez, hein, dans le remplacement, non, je sais pas quoi. » C'est jamais abordé sous la question du génocide, tout simplement parce que d'abord personne ne parle en ces termes, et il y a toujours cette idée, si tu veux, que les migrants, ce qui est assez ambigu d'ailleurs, ne sont pas responsables de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comptables des crimes qu'ils commettent, alors que les statistiques suffisent pour tirer des conclusions évidentes. Et donc que ce soit des Maghrébins, des subsahariens, des nègres d'Afrique ou d'ailleurs, enfin je veux dire, peu importe les diverses populations concernées, ils sont systématiquement excusés. Les blancs doivent payer les conséquences, notamment socialement, économiquement, mais il n'est jamais dit effectivement que il y a des crimes qui sont commis, que c'est une atteinte motivée racialement, ah ben non, évidemment, seuls les blancs sont racistes, hein, c'est évident. C'est tout à fait frappant, effectivement. Bon, voilà, on a un exemple caricatural, là, hein, mais c'est particulièrement glauque, particulièrement brutal. Moi, personnellement, je pense que la saloperie qui a commis ça doit être pendue au écourt, hein, et en place publique. Ça me paraît évident. Enfin, au minimum, dire, hein, au minimum. Au minimum, ouais, on pourrait même éventuellement imaginer les carteler. Ah, on pourrait être créatif, hein, là, dans ce genre de cas. Ah oui. Faut laisser. L'imagination n'a aucune limite, effectivement. Exactement. L'imagination au pouvoir, moi je suis d'accord avec Cohn-Bendit là-dessus, effectivement. Effectivement. Alors, on pourrait peut-être s'inspirer des méthodes qu'ont mis au point nos frères sud-africains noirs avec le pneu et l'essence, hein. Ah ouais, il y a des trucs sympas. Ouais. C'est le côté son et lumière, Jean-Michel Jarre, tout ça. Ouais. Oui, c'est très festif aussi. Enfin là, quand même, c'est vraiment violent. Là, le mec, il aurait quand même gagné le concours. Hein. À mon avis, les pneus, etc., moi, je suis pas contre, mais il faudrait des trucs avant. Hein, parce que c'est quand même carabiné, le truc, là. Enfin ouais. Bon. Bah, ce sera l'objet d'une discussion ultérieure, ça. Tiens, qu'est-ce que nous mettrons en place une fois que nous serons au pouvoir pour punir la vermine qui malheureusement pollue notre air un petit peu trop souvent. Rubrique pour info, parce que ouais. Justement tu passes à ça. En Chine, il y a un truc très simple. Hein. Ils ont même pas besoin de la justice là-bas. Quand t'as un noir qui viole une chinoise, il y a pas besoin de la justice. C'est la population qui le chope et qui lui coupe la bite. Et on n'en parle plus. Ah, c'est bien ça. Ah, les bonnes techniques chinoises, quoi. je veux dire, humour mis à part, c'est vrai que la population doit avoir des marqueurs d'autodéfense. C'est-à-dire que si on voit, et on a combien d'exemples comme ça dans la presse, d'une population qui se laisse agresser, qui se laisse molester, il y a certaines raisons pour ça. À commencer par le fait que si vous vous défendez, l'appareil étatique gouverné par des traîtres se met à persécuter ceux qui se défendent. Mais si on fait abstraction de ce fait, la population devrait se défendre. Et se défendre sans minauder. Dans des cas extrêmement brutaux et surtout des flagrants délits. Il y a combien de situations comme ça dans les transports en commun, dans les places publiques, comme ça en France, évidemment ailleurs aussi, mais en France, où la population pourrait, mais ne fait pas. Ça, c'est tout à fait flagrant. Bon, rubrique numéro 4, pause culture. Et en fait, on a fait allusion à ça dans la première rubrique. C'est MacDav qui en avait fait mention. C'est le nouveau film phare du cinéma français, lourdement subventionné hein, d'ailleurs, hein, et encadré oui, par des Auvergnats, encore une fois. Le lobby Auvergnat est terrible en France. Hein. Oh, je t'en prie, hein, un peu, hein, voilà. Bon, laisse-les tranquilles. Laisse-les écouter labourer un petit peu. Oui, voilà. Oui, oui. Comment dirais-je ? Alors le film s'intitule « Demain, tout commence ». Alors on ne sait pas quoi, enfin j'ai peut-être une idée, je me retiens. Et c'est incarné par Omar Sy, vous savez, là, le tirailleur sénégalais qui sourit tout le temps, qui n'a rien à dire, là, et qu'on peut mettre partout, parce qu'on lui dit « Tiens, tu t'assois là, il s'assoit là, il ne bouge pas, il ne dit rien, tu vois, c'est... Ah, il est gentil avec les enfants !» Tu lui files un bucket de KFC, il fait un sourire et c'est bon, quoi. Voilà, ouais, dès que je tape dans les mains, tu rigoles, allez, action. Voilà. Putain, mais c'est exactement ça. Mais en plus, ils savent que c'est vraiment ça marche, quoi. Je veux dire, avec les contes français, ça marche, quoi. T'as le nègre avec ses dents blanches qui sourit avec son air enfantin, tu vois, même s'il a 40 balais. Ah putain, ils achètent, quoi. Ils tombent dedans, il y a rien à faire, quoi. Ça leur plaît, quoi. Bon, je vous résume l'histoire quand même. Samuel, donc le nègre. Faut parler, appelons un chat et un nègre. Samuel vit sa vie sans attache ni responsabilité, au bord de la mer, sous le soleil, au choquant. Sud de la France. Un nègre sans attache ni responsabilité, déjà, je trouve que ça stigmatise un petit peu. Attends, il récupère le tir à la fin. Donc il vit sous le soleil du sud de la France, près des gens qu'il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Putain, le mec indolent. Le nègre indolent, merde. Jusqu'à ce qu'une de ses anciennes conquêtes, donc la grosse pute blanche qui est passée sous le train de l'Afrique, lui laisse sur les bras un bébé, donc un négrillon, quoi, de quelques mois, Gloria, sa fille. Incapable de s'occuper d'un bébé et bien décidé à rendre l'enfant à sa mère, merde, putain, les nègres n'assument pas la paternité. Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver sans succès. La salope. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère, donc la salope, de Gloria, revient dans leur vie pour récupérer sa fille. Donc les blanches sont définitivement des putes, il n'y a rien à faire, c'est en tout cas ce qui est expliqué dans ce film. Alors, il y a un détail, parce qu'on pourrait se dire, c'est un énième film pro-immigration, pro-cosmopolitisme, pro-métissage, d'accord. Mais il y a un détail, c'est un remake. Et vous pouvez le trouver en fait sur les commentaires, les critiques sur Allociné qui en font état. Donc si vous ne connaissez pas ce petit détail, vous pensez que c'est un film français 100%. Non. Je cite le commentaire d'un spectateur. J'allais voir une nouveauté et en fait, c'est le remake d'un film mexicain qui s'intitule Ni repris ni échangé que j'avais déjà vu. Du coup, plus aucune surprise, car le film français reprend point par point son homologue étranger. À mon avis, point par point, c'est un peu exagéré. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a un détail qui doit échapper à notre ami. Alors, est-ce que ça va être le succès au box-office comme d'autres films du même acabit ? Qu'est-ce que vous voulez en dire de... Bah moi, j'aime bien. Hein. C'est-à-dire que déjà, le film original, il s'appelle « Ni repris, ni échangé ». C'est-à-dire que tu as une sorte de bâtard dont on ne sait pas quoi faire. Effectivement, personne n'en veut. Donc, je trouve que ça parle. Bon, ensuite, comme on a dit, le nègre, effectivement, sans attache ni responsabilité, sous le soleil, il travaille sans trop se fatiguer, il est incapable de s'occuper d'un bébé. Voilà, un bébé d'ailleurs que sa mère lui, alors je sais pas trop l'histoire dans les détails, mais a laissé, quoi, donc voilà. Donc je sais pas, moi je trouve que... Non, non, ça commence comme ça, mais à la fin... Non, mais non, mais ah bah ça, la, oui, à la fin, évidemment, bon, hein, ça, là c'est le côté science-fiction, c'est le côté fantastique... On décide de donner à tout ça une fin joyeuse et réconciliée. Non, c'est pas que la fin est joyeuse, c'est qu'en fait, il devient père responsable, ils ont une relation fusionnelle, ils se baladent avec son espèce de machin crépus partout, ils sont contents, et puis t'as la blanche qui vient tout péter. C'est la magie du cinéma, si tu veux, mais dans la réalité, en fait, t'as la situation du départ qui a l'air assez réaliste. Et oui, sauf que ça change pas, quoi. Sauf que là... Il n'y a pas de suite. Oui, voilà. Il n'y a pas d'évolution, en fait. Ça reste caca jusqu'à la fin, en fait. Donc on reprend. Donc, un film réaliste, ça donnerait ça. Samuel vit sa vie sans attache ni responsabilité. Le nègre vit sa vie sans attache ni responsabilité au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, probablement financé par la CAF. Près de gens qu'il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer, donc il vend du shit, jusqu'à ce qu'une de ses anciennes conquêtes, donc une blanche, lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, sa fille. Incapable de s'occuper d'un bébé et bien décidé à rendre l'enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, mais avec succès, et il la bazarde à l'assistance. Voilà, là c'est la fin logique d'une vraie histoire qui collerait à la réalité, quoi. Ben non, la vraie histoire, c'est que quand l'autre elle vient avec le chiard, déjà le mec il part en courant. C'est vrai. Il la menace avec un plat. Ou alors il balance de l'acide à la gueule. Oui, bah on oui, peut voilà. Pas, oui, on voilà. Peut imaginer ça. Bon, il a transformé en casse-croûte, quoi. Il a fait rôtir. Oui, c'est quand même une belle histoire. Hein. C'est quand même Omar Sy qui a été élevé dans un pays communiste, hein, la France, aux allocations, et qui, à force de travail, a réussi à s'en sortir et à devenir un acteur. Puis, il s'est acheté une villa à Los Angeles, hein. Évidemment, les États-Unis, le pays où il n'y a plus de communisme, hein. Et il fait des films, voilà. Et il joue le rôle d'un nègre aux allocs, qui, voilà. Ouais, c'est intéressant, ça, parce que tous les tocards du cinéma français qui... Cinéma français lourdement subventionné par les cons d'ouvriers, de salariés qui se lèvent le matin, hein, faut quand même le préciser. Donc tous ces types, tous ces tocards là qui sortent des banlieues, qui sont complètement sponsorisés par ce cinéma lui-même sponsorisé par le gouvernement, quand ils ont réussi un petit peu à faire du blé et à se faire connaître, c'est marrant, et ils passent outre-Atlantique et ils vont se poser sur la Californie. Je trouve ça très étonnant, moi. Genre, c'est systématique. Danny Boone, là, le moitié de Maghrébin, il a fait pareil, on peut même pas tous les dénombrer. Et donc Toto, là, Omar Sy, en fait, il vient toucher son billet une fois l'an ou deux fois l'an avec des films bidons payés par l'argent des impôts des Français. Il vient faire son truc pour leur cracher à la gueule, en fait, en gros. Il dit « Métissez-vous bien, on va vous crever ». Puis ensuite, il repasse en Californie pour faire ses blockbusters à la con, parce que bientôt, il va être dans un truc de X-Men, je crois. Ah, il a déjà fait X-Men, je sais pas s'il va en refaire un, hein, mais il en a déjà fait un, attention. Alors, juste, excusez-moi, mais je suis allé voir un petit peu le box-office, ça est déjà à 2,5 millions de vues en France, c'est immonde. Hein. En combien de temps ? En 5 semaines. C'est pas le succès énorme, mais c'est respectable. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal, c'est voilà. C'est pas la fin, c'est pas la fin. Et pour compléter... Le réalisateur s'appelle Hugo Gélin. C'est un producteur et réalisateur français né le 4 mai 80, donc 35 ans. Il est le fils, tenez-vous bien, de Xavier Gélin, qui est lui-même le producteur. Il est aussi le petit-fils de l'acteur Daniel Gélin et Daniel Delorme. Oui, c'est une famille, hein, effectivement, du cinéma. Oui, et l'arrière-petit-fils d'un peintre et résistant nommé André Girard. Bref, c'est un film fait par un type qui sort tout droit d'une dynastie politico-culturelle. Ouais, Fiona Gélin aussi, en fait, ils sont toute une... c'est toute une tribu, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'aristocratie culturo-mondaine parisienne qui, en fait, fait des films parce qu'ils ont les entrées au niveau... comment dirais-je, du, j'ai oublié d'ailleurs le nom de cet organisme là qui finance, on me le rappellera là, mais qui finance tous ces trucs, où en fait il faut avoir ses entrées là-dedans, on peut pas faire un film comme ça, ils vous le financent gratis, et vous pouvez dégueuler tout ce qui vous passe par la tête. Et c'est ce qui se passe. Et en fait, on met ensuite un nom là-dessus. On dit, ah, tiens, je vais prendre un acteur un peu connu, c'est sûr, ça va marcher. Tu mets Omar Sy, je répète, avec sa gueule d'enfant de 12 ans dans un corps d'un homme de 40 ans, ça marche. C'est un fait. C'est le CNC. CNC, autant pour moi, le CNC. C'est comme ça que ça marche au CNC. En CNC, tout le monde officiellement peut solliciter une aide du CNC. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ils ont la main sur un énorme pactole, ils le donnent à qui ils veulent, c'est exclusivement politique et idéologique. Si vous voulez défendre des idées saines, si vous voulez vous référer, je sais pas moi, à l'imaginaire européen, peu importe ce que vous voulez défendre, et dans une œuvre, etc., une véritable œuvre, vous n'aurez pas de chèque. Oui, mais c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française, cher Gaulle. Voilà, c'est vrai. Il y a une coloration particulière aussi au niveau ethnique. Ah ben, c'est vrai que toutes... certains ont pu noter une ressemblance avec des tribunaux rabbiniques. Putain, mais la gueule de... Excusez-moi, quoi, mais la gueule de Hugo Gélin... Allez regarder sur Google Images, quoi. Hein. C'est une sorte de balai à chiottes. Enfin, je sais même pas comment décrire ça. Une sorte de hipster pédalo gauchias. Enfin, c'est atroce. Bah, c'est une pédale urbaine avec une gueule de plumeau qui doit être sous coke, quoi, à tous les coups. Un parisien, quoi. J'ai le même coup de gueule que le paysan, soi-disant paysan, Héroux, là. Cédric Héroux, qui est le no-border qui a fait parler de lui il n'y a pas longtemps. C'est le même genre de trogne. Effectivement, ah oui, ouais. Celui qui est chez nous, là, dans la Roya. Ah oui! Oh la sale gueule! Ouais. Ah, c'était lui, le fameux passeur de nègres planqué dans les montagnes, là, qui en faisait passer le jeu. Oh, c'est lui qui, à l'entrée de la ville, ça doit être lui ou un de ses collègues hippies, là, parce qu'il s'agrouille de hippies par là-bas, qui avait mis à l'entrée de la ville, là, en grand, tagué, bienvenue aux migrants. Oh là là, non. Et on l'a présenté comme un paysan, alors qu'en fait, c'était un organisateur de spectacle. À son âge, ça veut dire que c'est un genre foutre, en fait. Agriculteur, le mec, il doit faire pousser du chanvre, hein, excuse-moi. Oui. Ils sont tous là-haut, là. Ils sont pleins, hein. Cette vallée, elle est infestée de vrais hippies, quoi. Vraiment des crasseux, comme de la pire espèce. Et ils font pousser du... Ouais, ils sont là pour faire pousser du cannabis. Et ils foutent rien, quoi. Ils sont là dans leur tente, là, et puis... Ah, ils sont là à être sales et déambulés partout. Eh bien, s'il reste des réserves de napalm, l'armée de l'air française ferait bien de s'en servir à des fins utiles, hein, plutôt que d'aller bazarder leurs trucs en Libye. À des fins humanitaires. Oui, c'est vrai, humanitaire. Et puis surtout à défendre les frontières françaises, parce que cette vermine protégée par les magistrats, parce que Héroux, il a été relaxé hein, par les magistrats rouges. Hein. Ils ont protégé cette espèce de crapule qui fait passer... Des gens qui peuvent être des terroristes, parce que ces filières de passeurs, etc., c'est par là que passent les terroristes, les djihadistes. Ce type a été relaxé tranquillement, et toute cette crasse s'auto-congratule, que ce soit dans la presse, dans les tribunaux, et ensuite, par extension, dans les films, qui célèbrent, n'est-ce pas, leurs propres... des films narcissiques, parce qu'ils célèbrent leurs propres faits, hein, leur propre courage, entre guillemets. C'est vraiment à dégueuler. Non, mais il est vraiment temps de passer à la purge. Là, moi, je vous le dis, les gars. Bon, bah, sur ces bons propos, je vous propose une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission qui, je l'espère, sera plus tolérante et plus ouverte que cette première partie. On a peut-être fait preuve d'un petit peu de manque d'empathie, quelque part. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Manque d'ouverture. Ouais. Ah, on a aimé nos sentiments, hein. Bah, on essaye, hein. Ouais. Je veux dire, on se rééduque, hein. C'est un boulot, un travail sur soi, quoi. À tout de suite, cher ami. Hey. Nous revoici pour notre deuxième partie d'émission de démocratie participative, saison numéro 2, épisode numéro 1. Et on va parler abondamment de Donald Trump, futur président des États-Unis à partir du 20 janvier. Le point numéro 1 de notre discussion va concerner Marine Le Pen. Marine Le Pen donc, qui s'est rendue à la Trump Tower, donc la Trump, l'endroit, le building où réside Donald Trump à Manhattan, à New York. Elle a été photographiée sur place. Alors, je ne sais pas quelle est l'origine de la photographie. Est-ce que c'est un journaliste qui l'a publié ou est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe de Marine Le Pen qui l'a publié? Je ne sais pas, je l'ignore. Dans un premier temps, les médias ont été assez hésitants. Ils ont dit que Marine Le Pen pourrait peut-être rencontrer Donald Trump en personne ou ses équipes. Finalement, il n'en a rien été. Elle a rencontré exclusivement George Lombardi, qui est un homme d'affaires italien qui vit depuis très longtemps aux États-Unis, qui connaît Donald Trump depuis de nombreuses années, qui vit dans le même bâtiment que le milliardaire, et qui sert un petit peu d'entremetteur entre diverses figures de la mouvance populiste européenne. Il est lui-même proche de la Ligue du Nord, hein, en Italie. Alors, vraisemblablement, Marine Le Pen a essayé par son intermédiaire de rencontrer Donald Trump, et elle n'a pas réussi. Quelqu'un veut-il commenter sur cet échec, quand même, assez spectaculaire, puisque ça a été mis en photo, ce qui aurait probablement moins été frappant si ça n'avait pas été le cas. Quelqu'un veut-il donner son opinion là-dessus? Ouais, je trouve ça assez pathétique. On a l'impression que ils sont pointés là-bas, tu vois, en mode « rien à foutre ». Et puis ils espèrent obtenir un rendez-vous comme ça, quoi, juste en allant frapper à la porte de la Trump Tower. C'est assez, assez minable comme amateurisme. Je trouve ça assez ridicule. En fait, d'après ce que j'ai lu, le représentant de Marine Le Pen à New York a essayé pendant plusieurs semaines d'arranger une entrevue. On sait que d'autres figures politiques européennes ont réussi à obtenir des entrevues, en tout cas avec des conseillers de Donald Trump. Par exemple, Michael Flynn, qui est donc le conseiller à la sécurité, celui qui va vraiment décider de tout le volet militaire et stratégique de la présidence Trump, a reçu le numéro 1 du FPO autrichien, qui est allié d'ailleurs au Front National au Parlement européen. Donc c'est M. Strache. Alors, lui était reçu, alors évidemment il n'y a pas sans tambour ni trompette, mais il en a fait état dans les médias quelques semaines plus tard. Mais c'était préparé, c'était quelque chose qui était préparé avec les équipes de Donald Trump. Là en l'occurrence, les tentatives n'ont pas porté, et comme tu l'as dit, peut-être en désespoir de cause, elle s'est dit « je vais tenter le forcing à New York » ou « parce que je passe à New York, je vais en profiter pour essayer de forcer la décision de Donald Trump ». Moi, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans ce qui s'est passé. Enfin, qui me dérangent en tant qu'observateur, hein. Je ne suis pas de parti pris, donc je reste assez serein là-dessus. Mais disons que Marine Le Pen déjà se pose comme quelqu'un qui est souverainiste et qui a encore, je crois, un peu plus d'un an d'abord, en décembre 2015, avait critiqué Donald Trump en disant qu'elle était moins radicale que lui sur l'immigration quand il avait annoncé qu'il voulait interdire la venue des musulmans aux États-Unis. Elle avait dit qu'elle voulait défendre les Français de toutes les origines. Donc, probablement conseillée par Florian Philippot, ce génie absolu, elle s'était démarquée de Donald Trump et de sa dynamique pour se centrer, se gauchiser, ce qui a évidemment été très intelligent. Pour s'excuser, hein, c'est ça, la politique de l'excuse. Voilà, c'est très intelligent. Donc en fait, elle n'a pas plu ce qu'elle aurait dû faire, et si elle avait eu des conseillers intelligents, à la différence de Philippot, elle aurait surfé sur la vague Trump, en identifiant très tôt que c'était lui qui était celui qui était sur le filon, le bon filon, et que mécaniquement, si elle publiquement, dès 2015, dès l'été, peut-être pas dès l'été 2015, mais dès l'hiver 2015, elle s'était revendiquée de Donald Trump, elle aurait bénéficié indirectement de l'effet médiatique. Elle a fait l'inverse. Ensuite, à l'été 2016, elle a commencé à réaliser que, en fait, Donald Trump avait une énorme, enfin, représentait un véritable phénomène et avait lancé une vague politique aux États-Unis. Elle a essayé de récupérer le truc très maladroitement. Et le problème, c'est qu'elle avait critiqué Sarkozy en disant « Moi, je ne suis pas américaine, je n'ai pas à commenter ce qui se passe aux États-Unis, et puis de toute façon, comment dire, moi, je veux défendre tous les Français, etc. » Ça, c'était décembre 2015. Et puis maintenant, elle est pro-Trump. Alors bon, on découvre des choses, et ça va tellement loin que maintenant, elle va carrément au pied du domicile de Donald Trump pour solliciter une entrevue sans la solliciter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Marine Le Pen est effectivement allée sur place, a effectivement été reçue par Lombardi, qui n'est pas... Pour manger un sandwich à la cafétéria Trump, en fait. Pour manger bah, les non, tapas. Apparemment, elle a été reçue dans l'appartement de Lombardi, mais ça ne mange pas de pain. Pourquoi? Parce que Lombardi, contrairement à tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut entendre, Lombardi n'est pas un conseiller politique de Trump. C'est un ami personnel de Trump, mais ce n'est pas un conseiller politique. Et les membres de l'équipe de transition, c'est-à-dire de l'équipe politique de Trump, ceux qui vont être dans le gouvernement futur de Trump, n'intègrent pas Lombardi. Et ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas rencontrer Marine Le Pen, alors qu'ils ont rencontré d'autres leaders populistes en Europe. Hein. Et donc, elle est allée là-bas, en prétendant, comment dirais-je, incarner une espèce d'indépendance et en se prosternant au pied du vainqueur américain après l'avoir repoussé quelques mois plus tôt. Et une fois sur place, dans l'appartement de Lombardi, et ça c'est les propos de Lombardi lui-même qui le disent, elle a dit « Je ne vais pas solliciter une entrevue, c'est pas à moi de le faire ». Donc c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous imaginez, elle se rend au domicile du futur chef de l'État américain en toute connaissance de cause, elle démarche son équipe pour rencontrer Trump, elle arrive dans les locaux et elle dit « c'est pas à moi de solliciter la rencontre ». Mais ouais, ouais, c'est une bonne femme, quoi. Hein, c'est une bonne femme, c'est une bonne femme qui a l'habitude d'être entourée de PD au quotidien avec Philippot, Chenu et bien d'autres, qui la flatte à longueur de journée, donc elle se prend pour le centre du monde. Donc voilà, elle ne sollicite rien. Voilà, Donald Trump doit venir lui proposer l'honneur de venir la rencontrer chez lui. Non, mais c'est parfaitement incroyable. Bah c'est la fine stratégie, toujours un train d'avance, n'est-ce pas, de l'extrême droite française, hein, donc avec Philippot, Marine Le Pen, qui avait été décrit, je sais plus si c'est Soral ou quelqu'un d'autre qui avait décrit comme une sorte de poissonnière, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire la gonzesse, elle arrive, elle pense qu'on doit lui dérouler le tapis rouge, alors qu'en réalité, elle a tellement de combats de retard qu'elle n'intéresse personne, à part les Français qui n'ont pas de... En fait, qui n'ont pas d'offres concurrentes, tout simplement, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire que en France, c'est le candidat de droite un petit peu plus à droite, et encore... C'est vraiment par défaut, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement... La France est tellement communiste qu'on est bien obligé de se satisfaire, bon gré mal gré, de Marine Le Pen. Mais ailleurs, tout le monde s'en fout, quoi, en fait. Mais le pire dans tout ça, comme tu dis, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'autre chose au niveau choix, hein, électoral. C'est qu'elle risque de faire un pas trop mauvais score aux élections présidentielles et qu'on va se retaper pendant 5 ans cette bouillie anti-euro parce que ça nous empêche de faire ami-ami avec les Algériens, en gros. Hein. Non, et puis le Front National, enfin, il faut quand même, du point horrible, de vue de Trump et de ce qu'incarne Trump, bon, le Front National, Jean-Marie Le Pen, etc., c'est quand même des serial losers, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui, depuis des années et des années, le fait qu'ils aient raison sur un certain nombre de sujets, c'est des gens qui n'arrêtent pas de perdre. Et quand ils arrivent chez un mec comme Trump qui se lance, pouf, comme ça, il se lance dans la course à la présidentielle, bon, j'imagine qu'il avait quand même un petit peu réfléchi, mais qui remporte l'investiture de son parti du premier coup, qui remporte la course à la présidentielle, elle arrive et elle s'attend à ce qu'on lui demande à elle de venir pour apporter ses conseils, s'entretenir, etc. etc. C'est juste complètement débile d'un point de vue diplomatique. C'est quelqu'un qui, c'est de toute évidence, le FN, Marine Le Pen en particulier, ne comprenne rien à l'imaginaire, enfin à l'état d'esprit américain qu'on peut trouver chez Trump, mais chez les Blancs encore debout ici en général. Et c'est évident qu'ils se sont juste pris un râteau magistral, d'ailleurs auto-administré, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas allée. Elle est tellement conne, elle est tellement débile qu'elle n'est même pas allée, parce que Trump lui aurait peut-être accordé une entrevue si elle avait fait l'effort de demander. Mais les Français sont tellement... Excusez-moi, les Français, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est tellement un pays de feignasses, un pays où on s'attend à ce qu'on te serve quelque chose, quoi. C'est-à-dire, elle est allée là-bas et elle s'est attendue à ce qu'on lui serve, je sais pas, moi, les allocs, le RSA, je sais pas quoi. Sauf que ça marche pas comme ça ici, quoi. C'est-à-dire qu'ici, il faut que tu demandes quand tu veux parler à quelqu'un. Hein, faut faire l'effort de mettre un pied en avant, etc., etc. Voilà, c'est-à-dire c'est Marine nègre, quoi. Hein, effectivement. Il y a le côté la diva qui pose son truc, mais le problème c'est au domicile du président des États-Unis, quoi. Ah oui, mais c'est juste, hein, mais c'est hallucinant. En plus, il n'y a rien derrière. Marine Le Pen, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de soutien de poids. Tous les corps constitués sont contrôlés en France. Il n'y a que dalle. Trump, il avait quand même des généraux. C'était pas des peintres derrière qui le soutenaient. Marine Le Pen, elle a Philippot. Et voilà, les mecs qui en mode... Alain Soral aussi. Ouais, voilà. Du bout des lèvres, hein. Oui, vite fait. Du soutien, mais si ça stigmatise pas trop, hein, voilà. Mais voilà, au niveau politique, ouais, Marine Le Pen, c'est rien, c'est que dalle. Non, mais c'est en fait, la fille est juste candidate, et visiblement, elle se pense déjà chef de l'État, quoi. Donc elle arrive et elle dit, bah ouais, moi je vais t'accueillir. Bah non, ça marche pas comme ça. Parce que sinon, elle aurait pas commis cette erreur. Si elle avait pas l'état d'esprit dont on parle, elle aurait peut-être démarché sans succès, mais elle n'aurait jamais... Elle se serait jamais exposée médiatiquement. Elle aurait pas laissé quelqu'un la prendre en photo, etc. Et elle est allée à la cafétéria, ce qui est quand même assez incroyable. La cafétéria qui est un lieu public. Et elle s'est assise, alors que si elle devait rencontrer quelqu'un, elle serait passée en coup de vent dans le hall, elle serait montée dans l'ascenseur, et ensuite, voilà, quoi, si ça avait été calculé. Ça paraît anodin, mais imaginez qu'on parle de quelqu'un qui prétend briguer la présidence d'un État nucléaire qui dispose d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, quand même. C'est pas préparé, c'est d'une arrogance... stupéfiante, d'un opportunisme sidérant, et on se dit mais attendez, elle pense y arriver comme ça, dans l'affaire elle manque de respect vis-à-vis de son propre pays, vis-à-vis d'elle-même, de son parti, et vis-à-vis de la personne dont elle sollicite le soutien, c'est-à-dire Donald Trump. Et j'étais complètement sidéré de ce que j'ai vu. Alors on va pas s'éterniser là-dessus, mais ça trahit quand même quelque chose, quoi, hein, à mon avis. Hein, et je pense que Marine Le Pen et le Front National devraient se débarrasser définitivement des conseillers, des bras cassés qui polluent l'atmosphère là-bas, et dont Florian Philippot est un des principaux responsables, à mon avis. Hein. Alors, je sais pas, évidemment, peut-être qu'il a rien à voir dans cette affaire foireuse-là. Enfin bon, elle a tenté le coup au Canada, juste à côté, rappelez-vous. Déplacement au Canada, encore plus ou autant catastrophique que celui qu'on a vu. Enfin, je veux dire, au plan des déplacements qu'elle a fait, qu'est-ce qui lui reste? Mayotte? Avec des négresses musulmanes qui lui mettent des colliers de fleurs autour du cou. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, je veux dire? Qu'est-ce que c'est que ce truc, je veux dire? Fillon, regardez François Fillon. Moi, je suis pas un filloniste, je suis même très peu intéressé finalement par les élections françaises, mais... François Fillon peut se targuer d'être soutenu officiellement par Vladimir Poutine, un président en exercice qui représente quelque chose. Je veux dire, bon, il a d'autres soutiens par ailleurs. C'est quelqu'un qui fait sa campagne de façon professionnelle. Bon, voilà, elle a un rythme. Etc. On peut lui reprocher ce qu'on voudra, d'ailleurs, d'avoir des propositions, enfin, de changer de 40 fois d'avis par jour. C'est absolument vrai. Mais dans la forme de la campagne, c'est quand même assez élaboré, son truc. il peut dire, voilà, moi je suis soutenu par Poutine. Il peut le dire. Marine Le Pen, elle s'est fait sucrer son prêt en Russie. Vous avez vu ça? Donc voilà, il y a vraiment des choses, des questions à se poser. Elle s'est faite doubler par Fillon. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que le prêt, ils ont dit oui, il y a eu un problème technique. Moi, j'ai l'impression que c'est très bien. Un problème technique. Non, ils ont officiellement, ils ont retiré la crédit. Enfin, le Kremlin a retiré l'accréditation à la banque tchèque, plus ou moins, qui offrait ses cautions. Etc. Moi, je me suis dit, bah, c'est marrant, ça tombe juste au moment où Fillon a gagné la primaire et où il est soutenu par Poutine, quoi. Voilà, quoi. Et en même temps. Et ça, même un mec comme Choprade, dont on peut penser ce qu'on veut, mais même un mec comme Choprade, qui était pour un soutien ouvert depuis 2014 à Marine Le Pen, du Front National à Vladimir Poutine et à la Russie, Marine Le Pen a freiné des cas de fer, Florian Philippot a freiné des cas de fer. Donc les gens, ces gens-là, vont solliciter des prêts, de l'argent à Moscou, et quand Moscou dit « bon, bah, vous avez une position clairement pro-russe », les mecs « ouais, non, quand même pas, quoi ». Et c'est systématiquement la même chose. C'est l'arrogance. C'est-à-dire, c'est le petit coq qui crie partout pour qu'on l'entende. Mais bon, au fur et à mesure, les mecs, ils foutent des coups de pied. Non, mais c'est ce qu'elle est, Marine Le Pen. En fait, c'est une diva qui a arrêté de la boîte de son papa. Alors évidemment, nous tous ici, globalement, on vote pour le Front depuis longtemps. Mais je sais pas si ses dirigeants se rendent compte du fossé entre ce qu'on attend du Front National et du Front National en lui-même, quoi. C'est vraiment un parti de pédale branquignol. Bah, c'est pas tête, très sérieux. Tu vas à Moscou, tu veux le pognon, quand Moscou dit tu nous soutiens, mais ouais, quand même pas, parce que sinon on va prendre des coups, voilà. Et quand il... la même chose à New York. c'est bien. Bon, je passe au point suivant. Mais toujours, à une semaine de l'inauguration de Donald Trump, voilà, c'était assez frappant. Comme on est en campagne présidentielle française aussi, fallait bien y revenir. Bon, on a dit ce qu'on pensait, hein, voilà, on n'est pas là non plus pour servir la soupe, hein, on dit des choses telles qu'on... Mais faut pas oublier que Marine Le Pen, ça reste une blondasse divorcée, quasi alcoolique et fumeuse, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas Jeanne d'Arc. Et qui se trémousse sur de la musique nègre. Un culte et de gauche. Le problème, et c'est le problème qui traverse beaucoup de gens, je pense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'effectivement, le personnel dirigeant du Front National, enfin, apparent de première ligne, n'est pas au niveau. Mais ils ne veulent pas le critiquer pour une raison qui se comprend, c'est-à-dire qu'ils se disent on va quand même pas soutenir le Parti Socialiste ou l'UMP, quoi, je veux dire. Mais le problème, c'est que ça devient très difficile de faire l'impasse sur ce qu'on voit. Alors que clairement il y a des trucs qui merdent sérieusement, ou alors on accepte de faire ce que font les socialos et ce que font tous les autres depuis des décennies, c'est-à-dire de baratiner. Et moi, c'est pas comme ça que je perçois l'engagement. Je comprends que d'autres veuillent le faire, c'est leur problème. Moi, je le vois pas comme ça. Je pense qu'il faut être sincère, il faut être vrai dans ce qu'on pense. Voilà, alors les politiciens ils font leur truc, ils sont dans un autre jeu, c'est très différent. Mais nous, on peut dire clairement ce qu'on pense, parce qu'en fait, il s'agit simplement de coller à la vérité, quoi. Voilà. Alors, point numéro 2, mais on reste sur la France et on reste sur Trump, je vous rassure. C'est l'ambassadeur des États-Unis, dont on avait eu l'occasion de parler amplement, n'est-ce pas, cher Derek? Tu nous avais souligné, d'ailleurs, comment M. Gérard Araud était à voile et à vapeur, n'est-ce pas? Bah, en tout cas, il avait la gueule de l'emploi, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il est tondu, avec, une gueule très sèche de prof de maths, son petit costume très près du corps, tu vois, et ça sentait le PD, ça c'est clair, ça sentait le PD, et c'est un gros PD en fait, c'est un très très gros PD. Et donc l'ambassadeur de France, Gérard Araud, qui a passé toute la campagne électorale américaine, donc un an et demi, hein, a dégueulé sur Donald Trump, a l'accusé, je cite, de vautour, d'extrémistes, entre autres. Voici donc notre représentant officiel aux États-Unis assistera bel et bien à l'inauguration, et il va même organiser organisé sur demande du gouvernement américain une fête de célébration de l'élection de Donald Trump. Alors, je sais pas, alors vite fait hein, sur cette espèce de tanche, mais qui a usé de tous les mots. C'est-à-dire qu'il a même été jusqu'à dire, à la minute où l'élection de Donald Trump a été validée par les médias américains en direct, quoi, le jour de l'élection, en novembre, il a dit un monde s'effondre, enfin leur monde s'effondre, quoi, tout se casse la gueule. C'est un vertige, c'est cataclysmique. Il avait même appelé Fox News pour le dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Gérard Haro, ambassadeur de France aux États-Unis, téléphone à Fox News quelques minutes après l'annonce de la victoire de Trump pour dire... Fox News, ce n'est pas CNN, hein, c'est pas l'électorat démocrate de gauche, hein, c'est l'électorat Trump dur. Il leur téléphone en disant « Un monde s'effondre ». Personne ne lui demande rien. Le mec téléphone à Fox News pour dire, c'est hallucinant. Et alors maintenant, évidemment, il a reçu ses consignes. Alors maintenant, il va faire une garden party pour Donald Trump. Derek, j'ai envie de te solliciter. Là, vas-y, là. Dis-moi ce que tu penses de ces diplomates français qui visiblement sont un peu au diapason du Front National. Oh putain. Bah écoute, pas grand chose. Il m'avait énervé là sur le coup de l'élection. Maintenant, on le voit effectivement s'écraser comme une pédale. Je trouve ça somme toute assez normal. Mais il continue de dégueuler hein, sur sa timeline, sur Twitter. Sur Twitter d'ailleurs, il alterne entre les allusions anti-Trump, mais allusions, hein, parce qu'il retweet des gens. Et les prises de position, alors là, lui, très ferme, en faveur de l'homosexualité. Ah, ça continue, tiens. Hein. Comme quoi, mon groin avait vu juste, hein. C'est... Je l'avais bien reniflé de loin, là, l'espèce de salopio. J'allais faire la même intervention. Enfin, j'allais relier, en fait, l'attitude de l'ambassadeur et de Marine Le Pen au fait, tout simplement, qu'en France, on se croit encore relevant, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on se croit encore d'importance. J'ai envie de dire, et les mecs, la France, le phare des idées, cette France glorieuse, cette France puissance et compagnie, c'est fini, quoi. On n'est pas des minables, hein, on n'est pas un pays du tiers-monde, mais les gens n'ont plus mais rien c'est pas loin. De nos avis, quoi. Non, mais on est en train de devenir un pays du tiers-monde, effectivement, Gandalf. Et le truc, c'est que Marine Le Pen... Qui, parce que tout le monde est là, Marine, vite, Marine 2017, la meuf, là, elle est mise sur un piédestal tous les jours. Et puis, voilà, elle arrive à New York, et puis en fait, c'est pas une vanne du pied, mais pas loin, quoi, tu vois, la meuf, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, là, tu viens gratter l'amitié ou quoi, tu viens mendier, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, avec cet ambassadeur, on est confronté au même phénomène, hein. C'est le mec qui pense qu'il a de l'importance, en fait. Mais non, t'étais juste ambassadeur, effectivement, t'étais pas commerçant du coin, quoi, t'étais pas un commerçant de village de 500 habitants, quoi. Mais ils en ont rien à branler de ta gueule, quoi. Et à un moment, les mecs, ils arrivent pas à comprendre que t'as beau être ambassadeur. C'est comme si t'étais ambassadeur de, je sais pas, de l'Ouganda, quoi. Ouais, bah t'es ambassadeur, c'est bien, t'es mignon, tiens, viens prendre des petits fours et va me chercher un café, s'il te plaît, quoi, tu vois. Ouais, c'est ce niveau-là. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, Fred? Là-dessus, juste toujours dans la droite ligne, effectivement, de la grande diplomatie française moderne, hein, n'est-ce pas? On est au taquet, on sait comment jouer, finement, habilement. La France sait faire ce qu'il faut pour défendre ses intérêts. Par exemple, oui, effectivement, en 2017, je crois que dans les questions politiques d'ordre primordial, il y a la question de l'homosexualité. C'est quand même très important. Je pense qu'on n'en a pas fait assez. Hein. Il faudra en rajouter au moins une dizaine de couches. Et diplomatie française, quoi. Donc on défend les PD, on se comporte comme des PD. Je sais pas ce qu'on pourrait. On va finir par se faire enculer. Comme oui. Non, mais il n'y a plus rien. C'est mort. C'est-à-dire que là, tu disais la France n'est pas encore un pays du tiers-monde. Bon, c'est-à-dire qu'officiellement, effectivement, on a l'arme atomique, tout ça. Le Pakistan aussi, ceci étant dit. On a aussi beaucoup de nègres. Et franchement, là, c'est révélateur quand même la façon dont se comporte la diplomatie d'un pays. Tu vois, c'est-à-dire que. On critique beaucoup la diplomatie américaine, etc., mais elle se comporte simplement comme la diplomatie d'un pays qui projette une certaine puissance et donc qui envoie bouler un petit peu tout le monde, quoi. Hein. Mais la France n'a juste pas les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire la diplomatie française qui se permet de prendre de haut Trump, les États-Unis en général, etc. Voilà, c'est-à-dire que et de toute façon, il n'y a qu'une porte de sortie. C'est-à-dire à partir du moment où ils prennent cette position-là, bah ils se lient définitivement à l'argent des pétromonarchies, etc. C'est-à-dire la France ne peut survivre que en étant achetée par le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. C'est-à-dire à partir du moment où tu craches sur les États-Unis de façon aussi éhontée, juste et après l'élection de Trump, qu'est-ce que tu veux représenter après ? Et la Russie, parce que... Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, tu pourrais te dire, bon, ils attaquent les Russes, enfin, ils attaquent les Américains, mais derrière, tu vois, ils ont des appuis. Non. L'ambassadeur en question et le gouvernement français attaquent simultanément, en ce moment même, Moscou et Washington, ce qui fait quand même beaucoup... pour un pays comme la France, à mon avis. Hein. Bon, je sais pas, je suis pas un diplomate. Ah bah, s'il y avait une collaboration américano-russe pour, je ne sais pas, une opération de... Voilà, hein, faire fermer un petit peu sa gueule à la France, je pense qu'elle l'aurait pas volé. Hein. Bah, vu le leadership français, non, effectivement, elle l'aurait pas volé. Mais non, mais c'est quand même assez... Enfin, effectivement, comme tu dis, c'est une diplomatie, c'est le reflet d'un pays à l'étranger. Les étrangers n'ont comme vitrine que la diplomatie. Enfin, il y a les volets culturels privés, mais je veux dire, institutionnellement, effectivement, la parole d'un ambassadeur, ça compte. Et d'avoir vu l'ambassadeur français, mandaté par François Hollande et par les socialistes, intervenir dans une campagne américaine, et intervenir, il faut voir de quelle façon. C'est de façon vindicative, insultante, sans aucun recul, sans aucune... C'est le militant d'ACT UP, quoi, c'est ça. Mais c'est, c'est ça, c'est le militant d'ACT UP, l'espèce de roquet du MJS qui intervient dans le débat, qui ne le concerne même pas au premier chef. C'est un diplomate français qui ne doit uniquement que communiquer ce que le gouvernement français veut bien qu'il communique au gouvernement américain. Et ça s'arrête à ça. Et le type intervient comme ça, gratuitement, dans le débat public américain, et ce qui a choqué beaucoup d'Américains, d'ailleurs. Et ça n'a pas dû échapper, évidemment, à l'équipe de Donald Trump, à mon avis. Je ne vois pas comment ça aurait pu leur échapper. Et en fait, je pense que... Parce que ça a été fait, et ça c'est intéressant, et on passe ensuite au point suivant, c'est l'équipe de Trump qui a demandé à Haro de faire une fête à l'ambassade de France, et c'était évidemment pour l'humilier. Faut être clair, je veux dire... On lui a dit avant de partir, parce que c'est évident que quand Hollande aura quitté ses fonctions en avril, notre ami Haro va aussi probablement quitter les États-Unis. Avant ça, il aura quand même droit à son humiliation, avant peut-être d'aller féliciter Donald Trump en personne lors d'une cérémonie avec le corps diplomatique aux États-Unis. J'espère en tout cas que ça sera le cas. Alors, point numéro 3, l'effet Trump. Quittons la France et on va aller brièvement en Hongrie, où le gouvernement de Viktor Orban, n'attendant d'ailleurs pas du tout l'intronisation du futur président, a décidé de prendre des mesures coercitives contre les séides de Clinton, du Parti démocrate et de la finance internationale. Vous allez dire que j'en fais beaucoup. Non, pas du tout. Je cite un article. Suite à la victoire de Donald Trump, le gouvernement hongrois va interdire les organisations pro-immigration financées par George Soros, le juif George Soros qui vit aux États-Unis, qui d'ailleurs aussi est né en Hongrie. La Hongrie a donc annoncé qu'elle utilisera, je cite, « tous les instruments à sa disposition pour éradiquer, je cite encore, hein, les organisations financées par le spéculateur américano-hongrois, qui, je cite à nouveau, servent les financiers mondialistes et supportent le politiquement correct contre les gouvernements nationaux. » C'était Szilar Német, vice-président du parti au pouvoir, donc de Viktor Orban, qui s'exprimait en ces termes. Il a rajouté « Je sens qu'il y a une opportunité pour cela internationalement », faisant évidemment référence à la victoire de Donald Trump. Alors, d'avoir le vice-président du parti au pouvoir en Hongrie qui dit « On va s'occuper de Soros, de toutes ces organisations pro-nègres qui polluent notre pays, qui essayent de nous faire du chantage maintenant que Trump est au pouvoir, c'est quand même une bonne nouvelle. Le climat commence à changer. Ça c'est quand même sympathique. Le climat et le discours. Hein. C'est vrai que c'est assez rafraîchissant. Ça rappelle des années assez éloignées, oui. Mais ma foi, fort regrettées par certains d'entre nous. C'est vrai que quand la Hongrie... Effectivement, ça change de la France. Hein. Oui, c'est vrai que oui, là pour le coup, Sacha, parce que là on est quand même en Hongrie, ça parle de finances internationales, de virer des spéculateurs juifs du pays pour pouvoir taper librement sur des nègres et des musulmans. C'est vrai que le contexte a l'air particulièrement favorable. Il a dit, hein, le contexte international est favorable. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'ils ont fait une attaque en règle contre les droits de l'homme qui serait assez contre les intérêts de la Hongrie. Hein, de l'homme blanc, hein, de l'homme blanc, clairement. Voilà. En fait, comment dirais-je, Viktor Orban aurait dit qu'il voulait édifier une démocratie. Ça a été présenté comme ça dans les médias francophones, donc en gros l'agence France Presse et toutes ces organisations communistes financées par le gouvernement français, comme illibérale. Alors c'est une traduction qui est, je pense, approximative. Parce que, évidemment, c'est de illiberal en anglais, mais qui ne veut pas dire libéral au sens français. Donc ça voudrait dire, si je devais traduire vraiment sans façon, ça voudrait dire non-gauchiste. Mais on va dire qu'il ne soit pas de gauche, en gros, quoi. Donc Orban a dit, je veux bâtir une démocratie qui ne soit pas de gauche, donc qu'il soit une démocratie identitaire, enracinée, et qui défende les intérêts prioritaires de la nation. Ce qui est quand même, oui, c'est une rhétorique qui nous change des Kouchner, des Bernard-Henri Lévy, des Pontes de Bruxelles, etc., ou de Clinton, hein, ou de Barack Obama, si on devait les citer. C'est quand même sympathique. Je trouve que la Hongrie, en plus de son mur et de ses patrouilles aux frontières... adopte une ligne qui plaît. D'ailleurs, Orban, qui a reçu un coup de téléphone de Donald Trump, je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin, Orban a contacté Donald Trump assez récemment, et Orban a sollicité cet entretien téléphonique. Donald Trump a félicité la Hongrie pour ses réalisations depuis la chute du mur de Berlin, en soutenant par ailleurs que la politique anti-immigration d'Orban et donc de son mur, était la seule possible. Et Orban lui a fait... Trump l'a invité à Washington. Et Orban a invité à l'inauguration du mur. il a invité Orban, et Orban a dit « Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé à Washington, je suis considéré comme un mouton noir depuis de nombreuses années à Washington. » Et Trump a répondu en rigolant, et ça c'est les sources gouvernementales hongroises qui l'ont dit, Trump a répondu en rigolant « Moi aussi. » Donc en fait, ça veut dire Trump, Orban sur la même ligne, les bougnoules et les nègres dehors, les musulmans coup de pied au cul pour tout le monde, le premier qui moufte, intervention musclée de la police, etc. Tout ça est une ligne très satisfaisante. En tout cas, moi, je trouve ça... C'est sympathique quand même. Hein. C'est... La Hongrie, Trump, c'est pas mal. Il y a des tendances, effectivement. Oui, il y a une tendance. C'est une tendance à l'émancipation. Une tendance à l'émancipation. Comment dire bon, et sinon, on peut littéralement maintenant parler de l'inauguration de Donald Trump qui aura lieu le 20 janvier. Alors, Fred dans l'évier, toi qui connais un petit peu l'affaire, on a les gauchistes qui sont surexcités là. Alors, eux, ils veulent pas du tout voir Donald Trump accéder à la nomination. Ils préparent des troubles d'ailleurs, hein. Oui, mais je sais pas à quelle ampleur ça va prendre. Enfin, tout le monde se pose un petit peu la question. Il y a évidemment les gens de Black Lives Matter, bon, financés par Soros, bien entendu, mais ils sont pas les seuls. Il y a toute l'administration, en fait, tous les fonctionnaires, etc., qui sont massivement de gauche et anti-Trump. Je sais pas jusqu'où ils vont aller pour essayer de délégitimer donc le nouveau président. Certainement aussi loin que possible, mais c'est vrai que on ne sait pas trop. On sait pas trop jusqu'où ça va aller, quoi, tout ça. Donc, mais j'ai pas de scoop à te donner. Hein. Il y a un nègre à tortue, à tête de tortue, là, qui est un... Il est au Congrès, là, j'ai oublié son nom, là, c'est un sénateur démocrate, mais il a une gueule de tortue. Oui, qui a dit que Trump n'était pas légitime. Oui, voilà. J'ai vu ça, ouais. Tu connais son nom? Moi, je connais, j'ai oublié son nom. Je ne serais pas John Lewis. Ah, je sais pas, mais oui, il a c'est un congressman, effectivement, nègre. Oui, mais oui, c'est lui. C'est lui, c'est John Lewis. Il a une tête de tortue, une tête de tortue. Alors lui, il affirme clairement, ouais, effectivement, c'est pas un président légitime. Ah bon, comment se fait-il? Il n'est pas légitime, pourquoi il n'est pas légitime? Il a été élu, me semble-t-il. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'il y a vraiment un effort, et qui n'est pas du tout un effort uniquement partisan de la part du Parti démocrate, ou des nègres, et de leurs organisations, et des juifs américains qui sont majoritairement, très majoritairement, 80-90% anti-Trump. Il y a au-delà de ça, un effort qui vient aussi du gouvernement US. On voit des gens du renseignement qui essayent de lier Trump à la Russie. Donc ils attaquent. Ah, d'ailleurs, le congressman nègre, là, John Lewis, c'est son prétexte, hein, c'est de dire que Trump n'est pas légitime parce que, en gros, son élection a été provoquée par l'intervention de la Russie dans le processus américain. Ouais, c'est inacceptable, la Russie a dévoilé que le Parti démocrate était corrompu jusqu'à la Trump. Voilà, oui, c'est vrai. Hein. C'est vraiment inacceptable. Imaginez, on aurait pu gagner si les gens n'avaient pas su qu'on était pourris jusqu'à l'oignon, quoi. Ouais, effectivement. Mais John Lewis. Ouais. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, Faubert. John Lewis, je lisais un petit peu à son sujet tout à l'heure, c'est un ancien du Black Caucus, hein, ça je pense que Frédéric le sait. C'était même un compagnon de route de Martin Luther King. Ah, le salopard, putain. Ah oui. C'est vrai qu'il est laid, hein. Il est très laid. Hein. Il a une tête de tortue. C'était déjà un activiste à l'époque qui participait aux grandes manifestations pour la cause des Noirs, pour l'égalité, gna. Bref, il n'est pas vraiment sorti d'une pochette surprise, celui-là. Sous l'égide du Parti communiste américain qui lui-même était gouverné par des Noirs, hein. C'est très connu. Quoi. Bien sûr. Voilà, hein, bon. Hein. Bon, comment dire. Oui, alors, donc, ils ont collé. Alors, parce que ça fait la une des journaux en France, les gens ne le savent peut-être pas, mais. Outre le fait qu'on accuse la Russie de tous les maux, de toutes les infiltrations, enfin les Russes sont coupables de tout maintenant, je crois à peu près, hein, voilà. Donc ils sont coupables d'avoir fait élire Donald Trump en dévoilant la corruption du Parti démocrate américain, ce qui est quand même scandaleux. Et au surplus, ils auraient aussi, enfin, on aurait trouvé, enfin la CIA le dit, aurait des éléments qui attestent que Trump est un homme particulièrement immoral parce qu'il aurait eu des relations avec des prostituées quand il était en Russie. Traduisez, en gros, le gouvernement russe depuis genre 40 ans, 50 ans, si c'est pas 70 ans, paye des putes à Donald Trump, et il y a un détail dégueulasse. Tu veux revenir là-dessus, là, l'histoire des Golden Shower, là ? Mais c'est vraiment pour ça. Et ça, le fait d'utiliser un truc comme ça... Moi, je vois l'origine tribale du problème. Est-ce que tu veux y revenir, Fred, dans les vies, là, cette histoire de Golden Shower là. Ah bah j'aimerais bien, mais j'ai été assez occupé ce nouvel an et j'ai même pas suivi cette affaire. Grosso modo, en lisant le synopsis de l'histoire, tu sais déjà que ça vient de juifs new-yorkais, quoi. Hein, c'est-à-dire pipi, caca... des putes dans tous les sens, enfin le truc de BuzzFeed là, c'est ça? Ouais, bah BuzzFeed c'est juif, d'abord c'est Peretti, c'est, oui, tout, oui. C'est juif. Hein, c'est... Ouais, bah, d'ailleurs je vous encourage à regarder les vidéos là qu'a fait le type de l'alt-right Sam Hyde avec un journaliste de BuzzFeed, je crois qu'il s'appelle Bernstein, c'est assez rigolo. Mais alors il y a Zero Edge, le site américain Zero Edge, qui a publié un petit peu, ouais, une enquête à ce propos sur cette affaire. Et en gros, ils ont retrouvé les archives sur 4chan de mecs qui avaient contacté des anti-Trump, des Never Trump à l'époque, au mois d'octobre-novembre, pour leur faire dire des conneries, en gros. Et donc, ils leur ont balancé le bobard. Voilà. Je sais pas, il y a quand même le truc... dans le machin qu'ils ont sorti là, le truc de le rapport soi-disant De la CIA, hein, validé par la CIA. En fait, c'est bon, c'est passé à un mec de Never Trump qui est passé à Jeb Bush, à John McCain, qui après a été de la CIA, qui est soi-disant pris de manière crédible par les services, alors que bon, c'est pas du tout le cas. Donc, il y avait Donald Trump qui attrapait une assiette remplie de cuisses de poulet et qui les jetait à Ivanka, en gros, ben, pour, je sais pas quoi, en lui disant que si elle faisait pas telle ou telle chose, il allait tuer sa mère. Enfin, c'est absolument ridicule. Non, mais ça et autrement, il y a aussi d'autres trucs qui viennent de 4chan. Hein, oui, là, c'est sûr. Où les types, où alors, ils disent que Trump, en fait, sort des chiottes dans l'hôtel russe. C'est franchement, je sais pas si vous imaginez quoi. L'histoire sortie par la CIA, c'est ça. Hein. Ah ouais, non, mais c'est marrant. C'est Trump est dans un hôtel, dans un palace moscovite. Il sort des chiottes et devant témoin dit je viens de chier un Obama. Non mais les c'est les ça, mais c'est adorable. Mais là, non mais CNN a repris ça quoi. C'est, oui là, oui. Et ils sont non mais ils sont tombés dans le panneau. C'est eux qui ont perdu hein, parce que là pour le coup. Ça va se. Et alors, il y a l'histoire. Ça va sortir, hein. Ça va sortir. Il y a l'histoire des putes qui pissent sur le lit de Trump, etc. Oh, oui, oui. C'est à coucher dehors. Sauf que les médias, ils sont tellement désespérés. Et c'est pour ça que je parlais de ça, de cette délégitimation des congressmen démocrates, des nègres, comment dirais-je, de certains membres de la CIA, enfin de l'appareil d'État américain, des forces qui sont derrière, de la finance. Ils sont tellement désespérés pour le délégitimer qu'ils ont sorti cette histoire, mais à dormir debout, de manipulation russe, d'intervention de Vladimir Poutine, de putes payées par la Russie qui pissent dans le pieu. C'est-à-dire que le moindre truc, en fait, voilà, le projet, c'était de faire raconter des conneries aux anti-Trump. Et ça a tellement bien marché que c'est arrivé jusqu'à la CIA. Voilà. Sur commande. Et alors, du coup, sur ces entrefaites, parce que c'est pour créer un climat. C'est oui, pour hein. dire Trump n'est pas légitime, Trump est un salaud, c'est... Trump est immoral, etc. Et sur ces entrefaites, ils disent, voilà, il faut se mobiliser parce que l'inauguration ne doit pas être celle du futur président américain, ça doit être une scène de chaos, ça doit être machin. Ouais, sauf que le truc est tellement gros et tellement facilement démontable que finalement les premières victimes de ce truc-là, ça, c'est CNN et BuzzFeed. Et ça va leur faire très mal. Hein, ça va leur faire très mal, mais en même temps, tu vois, ces gens sont... Parce que ça, c'est du jamais vu. Honnêtement, il y a eu plein de présidents, etc. Mais c'est quand même du jamais vu de voir tout le système, mais vraiment tous, quoi, je veux dire... jusqu'aux centrales de renseignement, la presse, les activistes, mais tous se lancer dans des trucs abracadabrantesques pour simplement saper l'autorité morale de Trump qui a gagné son élection fair play, quoi. Les types sont prêts à aller jusqu'au bout. Je pense que ça va amener quelque chose d'autre dans le futur parce qu'ils ne vont pas en rester là, clairement. Si ça commence comme ça, ça va aller beaucoup plus loin. Ils l'accuseront de tout, je veux dire, l'oligarchie américaine et la finance et tout ça, les basanés, les métèques, ils vont jamais avaler ce truc, ils lui feront la guerre jusqu'au bout. Et c'est en ces termes qu'il parle d'ailleurs. Malcolm Moore, je sais pas si vous connaissez ce réalisateur, cette espèce de gros. D'ailleurs, on a l'impression qu'il porte la peau d'un Maccabée. Je sais pas si vous l'avez. Le Michel Drac américain. Voilà le Michel Drac américain, mais il est encore. Mais il est encore plus gros, mais il est tellement gros, on a l'impression qu'il porte la peau d'un mort. Je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est incroyable. Le type appelle. Alors, il a une vraie audience, attention, faut pas le sous-estimer. Hein. Il a des, je sais pas combien de followers sur Twitter, sur Facebook. Le mec peut vraiment lancer des mots d'ordre. Il dit les 100 premiers jours de Trump, ça doit être un enfer. Pourquoi les 100 premiers jours? Parce que c'est Trump là où tu fais les trucs, c'est l'état de grâce, quoi. Bah, Trump a dit, moi, dans ma présidence, les grosses, grosses réformes, je veux les faire dans les 3 premiers mois parce que c'est là qu'il faut que ça s'enclenche vraiment. C'est là, genre, le mur anti-immigration au sud, etc. Et comme par hasard, tu vois, t'as des mecs comme Michael Moore, je ne sais pas quoi, putain, je me suis réveillé ce matin, j'ai été chier ma pêche, et je me suis dit, putain, je vais faire chier Trump pendant les 100 premiers jours, quoi. Ben non. Donc tout ça est orchestré. Et c'est profondément pervers, et comme tu l'as dit, ça implique CNN, ça implique BuzzFeed, ça implique des ordures vivantes comme Michael Moore, ça implique des négros et toute leur chiasse. Et même les médias européens, parce que les médias ouest européens en tout cas, vraiment déversent leur bile contre Donald Trump. Je crois pas que ça a arrêté. En France, c'est quoi le climat? C'est quoi le climat en France contre Trump? Qu'est-ce que disent les médias français sur Trump là en ce moment là? De quoi ils l'accusent? Quelqu'un peut en parler? Bah, ou... Des mêmes choses que CNN. Non, c'est bien pire. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ils ont un mot qui est très révélateur, ils appellent ça l'ère post-vérité. C'est-à-dire qu'ils dégueulent des mensonges comme ils n'en ont jamais fait, et ils appellent ça, enfin ouais, c'est l'alt-right, enfin c'est invente l'ère post-vérité, ils parlent de ça, quoi. Ouais, il y a les histoires, ouais, effectivement, post-vérité, ils ont dit aussi des fake news. D'ailleurs, j'ai bien aimé Trump en conférence de presse cette semaine, où il a clashé ultra-violemment un reporter de CNN, mais qui s'est comporté... Il faut voir le comportement du journaliste. Hein. C'est-à-dire que le journaliste dit carrément à Trump « Calmez-vous !» Il dit au président, au futur président américain dans une semaine, quoi, qui va être président dans une semaine, il dit au président américain « Calmez-vous !» C'est comme si le type était en position de donner des ordres à Trump... parce que Trump ne voulait pas répondre à CNN qui avait déversé tous les déchets dont on a parlé sur lui simplement pour le rabaisser. Trump a refusé de répondre. Le type était d'une agressivité hallucinante. Et en plus de ça, en parallèle, disons, CNN et tous les autres médias disent « Oui, nous sommes dans l'ère des fausses nouvelles, les fake news. » Alors ça, l'agence France Presse n'arrête plus avec ça, tous les grands médias aux ordres n'arrêtent plus, voilà, les fausses nouvelles, genre, eux, ils mentent jamais, tu vois. Non, évidemment, ils mentent jamais, c'est pas leur genre, quoi. Et puis, l'ère post-vérité. En fait, ils ont peut-être raison, effectivement, on est dans l'ère post-vérité, en ce sens que, de fait, vu ce qu'ils racontent, effectivement, la vérité n'a plus d'importance, ils peuvent raconter n'importe quoi, les gens sont tenus de le croire, quoi. En gros, quoi. On verra bien ce qui va se passer, mais on n'a jamais vu une élection américaine comme ça. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est très marrant. Moi, je me souviens de la première élection d'Obama. C'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que, du simple fait que Obama soit noir, il y avait un enthousiasme mais qui était vraiment totalement délirant. Tu sentais que les journalistes mouillaient dans leurs petites culottes devant Obama, qui a un bilan catastrophique, hein. À part peut-être sur le plan de la politique étrangère, où il est peut-être un peu moins timbré que son prédécesseur. Mais globalement, le mec traîne des casseroles, enfin, c'est phénoménal. Et t'as pas un putain de journaliste qui t'en tire un bilan à peu près honnête, en France évidemment. Mais là, par contre, je sens qu'on va se prendre une sucée, mais d'anti-américanisme, mais vraiment débile, qui est très un peu fréquent dans les milieux nationalistes français, dans les milieux de gauche. Et on va se prendre ça pendant 4 ans, mais ça va être très violent. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'on le sent tous ici. On va chier sur les Américains, mais en mode hardcore. Bah ouais, ils vont chier sur le blanc américain, précisons, parce qu'ils ne vont pas chier sur les nègres américains. Mais lors de l'inauguration de Obama, donc je me rappelle à l'époque, c'était Jésus, hein. Jésus était revenu sur Terre, il avait été élu président des États-Unis, ça y est, c'était la parousie raciale, voilà, la fin de l'histoire, enfin, le monde débarrassé des Blancs, hein, c'était ça le message. Et cette chanson qui disait « It's a new day », hein, c'était vraiment une révolution. Hein. Ah ouais, c'est ça, alors qu'en fait, non, il s'est juste rien passé, vous avez foutu un métis à la tête des États-Unis, mais... à part ça, bon, ça va passer grand chose non plus, quoi. Et il y avait Miss France, vraiment, on fait le lien là. Ah, c'est ouais. Chloé Morteau. C'est... Chloé Morteau qui porte très mal son nom, parce que oui. C'est vraiment une négresse, hein, c'est une négresse. Hein. Qui chialait littéralement. Hein. Elle était mais enfin, on la comprend, elle était dit enfin libérée en tant qu'américaine, n'est-ce pas? Enfin, en tant que négresse américaine de nationalité française, elle était libérée de la tutelle blanche, symboliquement. Elle était en train de convulser devant les caméras de TF1. Mais en même temps, il y a la juive Laurence Haim, qui est la journaliste accréditée depuis, à peu près 240 ans ou 242 ans par les médias français pour commenter l'actualité française, l'actualité américaine pour les Français. Laurence Haim était une militante d'Obama, une militante démocrate pro-Obama qui commentait l'actualité américaine depuis des années. Et maintenant, vous savez où elle se trouve, cette connasse? Après la, chez la Macron. Raclée... Chez Macron. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. C'est Macron Rothschild, quoi. C'est magnifique. C'est... Alors, Trump, il gagne l'élection. Bah, sans transition, je passe de journaliste à militante pour le candidat de la grande banque en France. Et vous savez, il y a quelqu'un qui l'a interrogé. C'était sur Twitter. Pourquoi t'as choisi Macron? Quelqu'un lui a demandé. Elle a dit, c'est l'Obama français. Bon. Alors, je ne sais pas d'où ça lui vient, ça. Je ne sais pas si c'est le nez, les dents écartées, l'œil bizarre. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Voilà, l'Obama français. Bah, je sais pas, mais... C'est peut-être celui qui a le plus de juifs derrière lui, je sais pas. Ah bah l'argent... à ce stade, tu peux pas le dire, parce que Fillon, il est soutenu par l'argent. Valls, il est soutenu... J'ai pas parlé de l'argent, j'ai parlé des juifs. Ah oui, c'est moi qui fais des raccourcis. Bon. Des amalgames. Ouais, je fais des raccourcis. Enfin, bref. Enfin bon. Ouais, enfin, voilà, quoi. Donc, on a des commentateurs, des journalistes qui, justement, nous commentaient l'inauguration d'Obama, ils nous avaient vendu la parousie, etc. Et puis, finalement, ça va tapiner chez Macron, maintenant que Trump est de nouveau chef de la boutique aux États-Unis. Enfin, vraiment, quel cirque, quoi, quel cirque. Enfin, avant de nous quitter, j'ai envie de vous livrer une anecdote. Sur cette élection d'Obama en 2008, parce que du coup, qui dit victoire de Trump dit le nègre va finalement retourner à son champ de coton. Enfin, ouais, enfin, je prends mes désirs pour des réalités, parce que le négro, il va nous casser les couilles encore. Il va jouer le rôle de grande conscience hein, de l'Occident marxiste, hein, rassurez-vous. Mais comment dire, avant que ce connard dégage, pour me remémorer donc, cette victoire d'Obama en 2008, moi, je me trouvais en Australie à l'époque. Et je déambulais dans la rue, vous voyez. Et je vaquais à mes occupations. Et je tombe... Enfin, c'était juste en plein moment où l'annonce était faite. Et il y avait une gauchiste australienne qui m'arrête en pleine rue, tu vois. Mais on a l'impression qu'elle avait fumé un joint, quoi. Elle était sur une autre planète. Elle m'intéresse. Et elle me dit en anglais... Hey, tu sais pas... Obama a gagné... Et alors je lui dis, ah ouais, d'accord, c'est le plus beau jour de ma vie, elle me dit, tu vois. Non, mais hey, moi, c'est terrible. Ils étaient sur une autre planète. Moi, j'ai une anecdote plus ou moins similaire. Je me trouvais à l'hôpital pendant ce moment-là, et en fait, tu avais toutes les infirmières, toutes les aides-soignantes qui, en France, sont quand même... pour une certaine proportion, négresse des îles, comme on dit. Et c'était l'euphorie, quoi. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien à foutre de la politique, mais elles étaient réveillées, et même certains patients étaient réveillés pour suivre le truc. C'était de la folie, tu te serais cru en psychiatrie, quoi. C'était vraiment, alors qu'on n'était pas en psychiatrie, justement. Non, c'était vraiment délirant. Hein. L'Obamania... était quand même moins délirante que le mouvement anti-Trump. Il faut quand même l'admettre. Ah, je sais pas. Ça s'équivaut, hein, quand même. Ça s'équivaut. Hein. Je veux dire, non. Je ne sais pas, parce que l'anti-Trumpisme, on n'en voit que le début. Hein. On verra dans 2 ans. Il y a eu l'anti-Bushisme. L'anti-Bushisme, qui était pas illégitime. Je veux dire, Bush était vraiment un con. Enfin, il était bête, quoi, et puis on sentait bien qu'il n'incarnait pas, et puis en fait, il faisait une politique complètement débile, enfin, je veux dire, il n'y avait rien volé. Mais Trump, c'est pas du tout ça, c'est pas Bush numéro 2, c'est pas... Et on le voit bien, je veux dire, c'est un type qui a de l'épaisseur, qui a autre chose. Et c'est en ça que l'anti-bushisme était facile intellectuellement, parce qu'en fait, ça reposait sur des non-dits, et Canal+, en effet, vraiment, mais... à Canal+, les guignols s'en sont pourléchés, quoi. Je veux dire, la haine du blanc américain, c'était tellement facile à vendre avec Bush, parce que Bush était un clampin indéfendable, quoi. C'était tellement facile d'amalgamer, pour le coup, l'amalgame, le blanc américain avec Bush, que là, tu pouvais vendre de la haine raciale aux bougnoules de banlieue et aux gauchistes français. Là, c'était facile. Sur Canal+, le dimanche midi, tu pouvais y aller, quoi. Là, sur Trump, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le voit, même Mélenchon a dit, ouais, son truc protectionniste, c'est pas mal, etc. Vous voyez ? Donc, c'est un client beaucoup plus complexe à aborder. Il n'est pas pour des guerres interventionnistes. On verra bien ce qui se passera. Mais c'est pas son approche. C'est pas un chrétien fanatique. Voilà. Alors bon, moi, je suis chrétien, par exemple, mais je veux dire, pour le gauchiste de base, l'antichristianisme, c'est obligatoire. Bon, bah, Trump, on sait très bien que le type est pas... C'est-à-dire, il n'est pas antichrétien, il revendique une identité chrétienne, mais on sait très bien que c'est pas quelqu'un qui est une grenouille de bénitier, quoi. Ouais, non, mais la France, et plus particulièrement Paris, vont devenir une base arrière de tous les... On va dire la frange... Non, c'est déjà fait. Mais de toute la gauche américaine, quoi. La deuxième gauche, les social justice warriors, voire peut-être même les néoconservateurs. Et ça va vraiment devenir intéressant, parce que je sens que ça va un petit peu, devenir... Le refuge et de toutes ces saloperies de les soutiens d'Hillary Clinton, mais vraiment la gauche la plus débile, les extrémistes démocrates américains, ils vont venir en France, ils vont essaimer en France, et puis ils vont faire de la lutte anti-Trump, c'est-à-dire anti-blanc, hein, globalement, en France. On va falloir s'attendre à voir... de plus en plus de social justice warriors dans les universités. Il va falloir s'attendre à voir des Black Lives Matter, ça va décupler. Et puis, à mon avis, Obama, je pense que si jamais Macron passe, tu vois, ça m'étonnerait, mais il risque de le faire citoyen français d'honneur, quoi. Il va venir, il va faire des conférences, on va vanter son charisme, alors que c'est juste une blague, ce mec n'a aucun charisme. On le vante toujours pour son charisme, alors que suffit de le voir à côté de Poutine. Hein, il y a une vidéo très intéressante où le mec est... Enfin, il y a un petit déjeuner où tu vois vraiment que c'est un singe, en fait, hein, entre le singe et la marionnette. Donc, les 5 ans qui vont venir, ça ne va pas s'annoncer de façon joyeuse en France, je le sens. De toute façon, ouais, ils vont être... L'anti-américanisme va très bien se porter en France, je pense, parce qu'entre les musulmans et la gauche, de toute façon, qui ont vocation au bout d'un moment à fusionner. Puis même la droite, non mais moi je fais, non mais. Mais la droite, je ne donne de passe à personne, même les gens anti-américains à la con en France. Non, mais c'est pas comme s'il y avait une droite en France, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de droite, d'accord. Là-dessus, on peut être d'accord. Voilà, non mais c'est pour ça que moi je fais vite l'impasse, tu vois. Voilà quoi. C'est... Mais les prétendus nationalistes français qui sont là communiste. En fait à. La droite communiste. Tu sais, voilà, c'est l'extrême droite communiste à essayer de trouver des alliances systématiquement avec l'Afrique et le Moyen-Orient tout en dégueulant sur l'Amérique, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Il faut lutter contre l'Union européenne et sa construction qui est la logique de l'apartheid. Hein. L'Union européenne qui est une grosse bouse en fait, pro-négrification maximale, sous clé en gros de la finance internationale. Ce truc serait, hein, d'après certains nationalistes français, surtout des gros cocos, tu vois, serait en fait une excroissance. Et puis surtout, la France, manipulée par la CIA. Quoi. Surtout la France s'imagine en lutte contre les États-Unis, tu sais, contre l'ultralibéralisme, tu vois, comme si la France n'était pas un pays communiste, tu vois, c'est-à-dire que c'est juste affolant. En fait, ils imaginent, tu vois, la menace dans l'imaginaire français, la menace c'est la libre concurrence, enfin tu vois le marché impitoyable sur le modèle américain, etc. Alors qu'en France, on n'a absolument pas ça. On a des grandes entreprises totalement dans la poche de l'État, etc. À tous les niveaux, tout passe par l'État de toute façon, par les administrations publiques, etc. Et les Français s'imaginent être menacés par l'ultra-libéralisme américain. Alors peut-être oui, sur le plan des sociétal, des histoires de mariage gay, etc. Ça, je veux bien. Et encore, c'est certainement pas l'Amérique profonde qui a envie d'avoir des mariages gays. Mais ces histoires de lutter contre le libéralisme et l'ultralibéralisme, c'est juste, enfin, c'est insupportable, quoi. C'est-à-dire que la moitié de la France est à brûler intellectuellement, hein. Et plus que la moitié, peut-être. Ouais, même pas peut-être, en fait. Madame, c'est simple, de toute façon... le bouquin là, qui fait fureur chez les nationalistes français, enfin, dans l'extrême droite française, ça s'appelle « Le capitalisme, notre ennemi, notre premier ennemi ». Et d'ailleurs... Oula, j'ai loupé un cheval, là. Qui ah bah oui, non, mais de toute façon... Ah bon ? Qui a écrit ça ? Qui a écrit ça ? C'est que ce truc-là ? Bah, c'est Jean-Claude Michéa. Ah oui. Ah oui, un prof... Jean-Claude Michéa, Jean-Claude Michéa, c'est le penseur de l'extrême droite française. Non, de l'extrême droite et de la droite. Qualifié par Eugénie Bastier sur Le Figaro de « penseur culte hein. ». C'est... Oh là là. Ah oui, mais voilà, culte de... Alors surtout que, non mais je veux rajouter un truc, c'est que même aux États-Unis, le système américain, depuis plusieurs décennies maintenant, n'évolue pas du tout vers un ultra-libéralisme débridé, mais plutôt vers du socialisme de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'interventions étatiques à tous les niveaux, de contrôle imposé par l'État fédéral, de régulation, etc. Donc ça n'est, c'est juste complètement à des kilomètres de ce que s'imaginent les Français moyens et pas moyens d'ailleurs, parce que même les nationalistes ne comprennent rien à ça dans leur extrême majorité. Il y a à peu près que les lesquénistes qui comprennent quelque chose à ça, et ils sont trois, quoi, donc voilà. Bah déjà, tu vois, si tu veux torcher le truc à l'affaire, déjà, bon, la France qui défie le capitalisme international... Bon, le PIB français au niveau mondial, ça pèse quoi ? Voilà, merci, au revoir. Deuxièmement, la Chine, c'est connu, s'est développée en adoptant des mesures collectivistes, socialistes, voire communistes. Hein. Ça a vachement fonctionné. Par contre, depuis ces 25 dernières années, depuis qu'ils ont adopté un communisme bon teint, curieusement, leur économie semble-t-il devenue la première du monde, pratiquement en passe de le devenir. C'est quand même étonnant, on ne sait pas pourquoi, en 25 ans, un quart de siècle, leur économie s'est envolée en laissant, la libre entreprise prospérer, en désengageant l'État de l'activité économique. Curieusement, l'activité chinoise au plan économique s'est envolée et justement, on a fait un géant géostratégique, en tout cas un géant en devenir. Mais non... Visiblement, l'alternative, comme tu l'as bien souligné, chez les scribes parisiens du Figaro, qui basculent de plus en plus visiblement le gaulo-communisme, serait de créer un néo-campuchia démocratique à la sauce campuchienne. Mais quand je te disais que les communistes étaient vraiment des frappés, hein, c'est-à-dire que dès que ça rentre en contradiction avec la réalité, ils sont capables de mentir, ils sont capables de s'inventer des univers, quoi, mentaux totalement déconnectés du réel. Et je sais plus, hein, dans l'histoire, il y a certainement des gens qui ont proposé d'envoyer des communistes en hôpital psychiatrique, bon, des camps, évidemment. Bon, vraiment, il y a quelque chose à faire, quoi. Je veux dire, il y a un traitement à appliquer. Ben, Pinochet, alors là, je reviens à ma marotte pinochetiste. Ce brave Augusto Pinochet, face à la lèpre marxiste, avait un traitement tout à fait adapté. La gravité. Qui était le vol en hélicoptère, qui est le seul traitement qu'on puisse appliquer à la vermine rouge, y compris quand ça se situe à l'extrême droite. Peut-être même surtout quand elle se situe à l'extrême droite. C'est les crevettes bizarres. On n'est pas mauvais aussi sur ce point de vue. Ah, moi je voudrais bien du bizarre là, je pense. D'ailleurs, je pense c'est pas compliqué. Pas compliqué, du ciment, des seaux. On a quand même beaucoup de bonnes entreprises de cimentiers et des entreprises d'hélicoptères en France. Hein, tu fais quelques kilomètres dans le littoral et hop, tu balances ça. On n'en parle plus. Une fusion entre Lafarge et Eurocopter, ça va être à prévoir. Bah, ça, c'est une industrie d'avenir, hein, j'aimerais vous le dire. Il y a des clients, hein, on en a beaucoup. Ouais, c'est... Voilà. Bon, bah sur ces bons mots, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine et j'espère que vous avez apprécié notre émission. Un dernier mot, chers amis ? Bah, bonne année, en espérant qu'elle sera meilleure que celle d'avant. Encore meilleure, même si on s'est bien amusé quand même en 2016. Puis on espère que ça va durer encore longtemps et qu'on va pouvoir discuter tranquillement, démocratiquement et de façon décomplexée. Et voilà, vive les maigres violeurs en Europe. Voilà, moi je souhaite à ce que l'on ait cette année enfin un digne successeur du sida et d'Ebola hein, pour nos amis africains. Voilà. C'est vrai qu'il se fait attendre. Hein. On avait beaucoup parié sur Saint-Sida. Ça va venir, ça va venir. On s'était motivé sur Ebola et là, tout d'un coup, il y a quand même... Voilà. Voilà, quoi. Voilà, on veut quelque chose de sympa là, pour cette année 2017. S'il y a des biologistes, des chimistes voilà, qui travaillent dans la fabrication de virus, qui nous entendent, au boulot les gars, c'est le moment, lâchez-vous. Quoi. Très bien. À la semaine prochaine, chers amis, en espérant que vous avez apprécié.